Bonjour Doc Verster, c'est Damien. Alors je voulais vraiment vous remercier pour vos émissions, parce que ce soit Star Trek qui m'a permis de faire un cours là-dessus, parce que je sais trop d'histoire géographie, j'ai fait un cours d'histoire sur Star Trek grâce à vous, et puis là Smash Bros Melee, mais c'est toute ma jeunesse. En fait, ce dont je me rappelle, c'est qu'un jour, avec mon cousin, on a joué à ça, donc lui il avait Roy et moi j'avais Mars, et on a fait un duel. Pendant 1 heure et demie, on n'arrivait pas à se toucher. Un duel d'esquive. Donc on a trouvé une nouvelle façon de jouer à Smash Bros. Melee. C'était le fait de pouvoir ne pas se taper en restant relativement proche. C'était proche de l'extreme, c'était merveilleux. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Continuez et voilà. Les podcasts, heureusement qu'ils sont là. Après la nuit manga et One Piece... Sachant que tu m'as déjà fait acheter le début de la série de Berserk, c'est un vrai budget qu'il va falloir que je mette dans les mangas. Merci à Blockbuster, merci à toute l'équipe. À très bientôt. Salut Fred, c'est Damien de Paris. Écoute, je viens d'écouter le deuxième podcast sur One Piece. One Piece, je connais juste quelques épisodes de l'animé que j'ai vu passer de temps en temps. Et déjà, ça m'attirait beaucoup. Mais alors là, après ton émission, c'est sûr et certain, je vais aller m'acheter les fantômes de One Piece. Je vais me les lire d'un trait et je te rappelle quand je suis arrivé au bout de l'aventure. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. To be or not to be, not to be. Quand je regarde le cinéma aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en face d'un vieil oncle le dimanche en famille qui passe le repas à ressasser ses gloires passées entre 2 bouchées de rôti et un verre de Côte-du-Rhône bon marché. Oui, de mon temps, blablabla bla bla, Star Wars, blablabla bla bla, Spider-Man, blablabla bla bla, Scream, blablabla bla bla, SOS Phantom. Et c'est d'autant plus lassant quand on se rend compte que ce vieil oncle qui radote, c'est soi-même. Le chanteur Orelsan a écrit dans une de ses chansons qu'il avait des fantasmes d'ado et l'aigreur d'un petit vieux. Et bah ça, c'est tout moi! Moi je peux tenir 90% de mes conversations quotidiennes avec la phrase « Oh, c'était mieux avant ». Mais franchement, c'est totalement fou. Faut arrêter. Par exemple, il faut être d'une grande malhonnêteté pour ne pas reconnaître les qualités des dessins animés mis à la disposition des jeunes d'aujourd'hui. Gumball, Steven Universe, Le Prince Dragon, She-Ra, Miraculous, Arcane, Cuphead, Duck's Tale... C'est hallucinant d'excellence, de drôlerie et de beauté graphique. Les animés japonais, entre le classement des rois, Jujutsu Kaisen, l'attaque des titans, Wonder Egg Priority, My Hero Academia, c'est très difficile de pas se dire que l'on est en face d'un nouvel âge d'or de l'animation. Imaginez qu'on a eu l'apanage des bons films, des bonnes chansons ou des bons livres, c'est juste reconnaître qu'on ferme les yeux devant tout ce que l'époque peut aussi nous proposer. Donc non, c'était pas mieux avant, j'étais juste plus jeune avant. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Mais pourquoi? Mais enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Aie confiance en moi, Nezuko, tu m'entends? Je te laisserai pas mourir. Je vais réussir à te sauver. Je te fais la promesse de réussir à te sauver. Je te jure sur ma vie. Lorsque le film Demon Slayer, Le Train de l'Infini est sorti, quand les salles de cinéma ont pu ouvrir à nouveau après le confinement, beaucoup de journalistes ont été surpris du succès de cette adaptation d'un manga moins connu du grand public que Dragon Ball, One Piece ou Naruto. Pourtant... Cela fait déjà plusieurs années que le phénomène Demon Slayer est en marche, porté notamment par un dessin animé exceptionnel, issu du studio Ufotable. Et alors que la deuxième saison de l'animé vient de s'achever au Japon, il me semblait tout naturel de revenir sur ce qui est la nouvelle référence de l'adaptation animée de manga, Demon Slayer. Et pour évoquer cette série, j'ai avec moi Clémence Duneau, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste chez Vice FR et on vous retrouve tous les mardis dans le podcast La 5ème de couverture, une émission de débat passionnante autour du manga. Eh bien, merci pour l'invitation. Avec nous, et on est ravis, Ringo, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes journaliste et chroniqueuse pour le Neketsu Show sur Twitch, le talk show hebdomadaire sur la pop culture. Exactement, et je suis ravie d'être là avec vous tous pour parler de Demon Slayer. avec nous Bitelu. Bonjour. Je vais le dire à la japonaise, j'aime bien. On pourrait croire que c'est un mot très japonais, alors que moi je sais d'où ça vient, mais c'est pour ça que j'aime bien le dire. Bitelu. Très bien, très content de revenir sur Blockbuster. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben ravi. Vous êtes streamer et ambassadeur pour la chaîne ADN, une plateforme d'animé japonais en streaming. Tout à fait. Avec nous, de retour aussi, Bruno Delacruz, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le merveilleux magazine Animeland, le magazine de l'animation et du manga. C'est ça, merci encore pour l'invitation et bonjour à tous. Et évidemment, mon camarade, l'inénarrable Mathieu Pinon, qui est toujours journaliste spécialisé dans la pop culture aux dernières nouvelles. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Ensemble, on va tenter d'expliquer les raisons du succès de Demon Slayer. Qui est l'autrice Koyo Haru Gotoge et qui sont ces personnages qui sont rentrés si vite dans le panthéon de l'animation japonaise? Qui se cache derrière le studio Ufotable à l'origine du succès de la série animée et du film Demon Slayer? Demon Slayer est-il, avec l'attaque des titans, une sorte de nouvel âge d'or de l'animation japonaise? On a un peu plus d'une heure pour y voir plus clair. C'est parti! Nezuko! Reste où tu es. Mon travail consiste à éliminer les démons qui croisent ma route. Alors même si c'est ta petite sœur, je vais devoir la tuer. Mais enfin, pourquoi? Nezuko n'a jamais fait de mal à personne. Quand j'ai retrouvé toute ma famille morte à la maison, j'ai senti une odeur que je ne connaissais pas. Et je suis certain que c'est l'odeur de la créature qui les a tués. J'ignore pourquoi elle est comme ça maintenant. Mais sur ma vie, je peux jurer que ma petite sœur n'a rien à voir avec ce cauchemar. L'explication est très simple. En se défendant, elle a dû recevoir quelques gouttes de sang sur l'une de ses plaies. C'est de cette façon que les mangeurs d'hommes se multiplient. Nezuko ne mangera jamais un être humain. Tu sembles bien sûr de toi. As-tu déjà oublié que quand je suis intervenu, elle était prête à te dévorer? C'est pas vrai! Je sais au fond de moi que ma sœur n'aurait jamais fait une chose pareille! Je t'interdis de lui faire du mal! Je vais l'aider à redevenir humaine! Je jure sur ma vie que je vais réussir à la guérir! Personne ne le peut. Il est impossible pour un démon de redevenir humain. Moi j'y crois! Il y a forcément une solution et je la trouverai! Ne la tuez pas! Je vais retrouver la créature qui a tué ma famille! Je trouverai la solution! Mais je vous en supplie, arrêtez s'il vous plaît! Ne faites pas ça! Je ne veux plus perdre une personne chère à mon cœur. Eh ben on est pile poil dans le vif du sujet. Bitel. Oui. Mission ardue, mais absolument gratifiante. Qu'est-ce que ça raconte, Demon Slayer? Eh bien, Demon Slayer, on va suivre donc du coup les aventures de Kamado Tanjiro, qui est donc un jeune travailleur avec sa petite famille en haut d'une montagne. Et un jour, il va descendre du charbon à la ville afin d'aller récupérer quelques sous pour apporter des vivres à sa famille. Il va remonter, mais il va sentir quelque chose d'étonnant. Il va sentir l'odeur du sang. Oui, parce qu'il a un odorat extrêmement développé. Il a un odorat tout à fait développé. Et il va arriver chez lui. Il va tout simplement voir, malheureusement, sa famille massacrée. Sauf une personne, sa sœur, Nezuko, qui semble quelque peu possédée, puisqu'elle est littéralement devenue un démon. Et elle va tenter de l'attaquer. Il va, à ce moment-là, se faire sauver par un épéiste. On a entendu. Il ne connaît pas du tout, il ne sait pas qui c'est, mais il lui dit que c'est un pourfendeur de démons et qu'il est là pour le protéger et qu'il doit tuer sa sœur. Et à partir de ce moment-là, Tanjiro dit non, ma sœur, ce n'est pas un démon, je le sais. Ou alors si elle a un problème, je vais la soigner. Eh bien, on va suivre donc du coup la quête de Tanjiro et de Nezuko pour guérir sa sœur et sauver un petit peu la planète de tous ces démons-là. Alors, qui est l'autrice à l'origine de Demon Slayer, Bruno Delacruz? Alors déjà, on peut préciser que dire que c'est une autrice, c'est une première information assez forte, puisque pendant un long moment, ça nous a été entre guillemets caché, et même de la part des éditeurs, il ne fallait pas le révéler. Mais Koyo Haru Gotoge est une artiste qui a suivi, on va dire, une trajectoire relativement classique chez Shueisha, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive, en général, il faut d'abord faire ses preuves avec des récits courts. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Sa première tentative de série fleuve n'a pas été validée, donc il a fallu recommencer. Et Koyo Haru Gotoge va véritablement s'envoler avec un travail important fait avec son éditeur, qui va reprendre un ancien de ses récits. un de ses anciens récits, pardon, pour imaginer une version 2.0, et ça va donner Demon Slayer, qui sera lancé un petit peu plus tard. Comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, c'est quelqu'un qui maintenant, forcément, est très discret. Ça donne pas énormément d'interviews sur les réseaux sociaux aussi. C'est compliqué. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu un démarrage. C'est aussi ça qui fait un petit peu le charme de certains personnages qui gravitent autour du manga. Quand vous arrivez à un succès aussi fort chez Shueisha, notamment dans le Jump, vous êtes très vite exposé. Donc son début de carrière a été, on va dire, assez classique. C'était pas un succès tout de suite, d'ailleurs, Demon Slayer. Hein. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais une fois que ça explose, l'éditeur protège ses talents, toujours. Donc voilà. Après, c'est quelqu'un qui avait pas forcément plus gros talent sur la base anatomique. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé. C'est une artiste qui va très vite, qui est très peu en arrêt aussi. Ça joue beaucoup quand vous travaillez dans le Jump. Donc voilà le portrait qu'on peut dresser comme ça très rapidement. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un dossier qui est bien protégé. Et alors, il faut rappeler aux auditeurs ce qu'est le Jump. Oui, c'est Weekly Shonen Jump, donc c'est un magazine de prépublication éminemment connu au Japon, et vous passez par un système qui est assez simple. Vous lancez votre série ou votre épisode pilote, et puis ensuite il y a un système de vote qui est récupéré, et puis si le titre est soutenu, il existe. S'il n'est pas soutenu, il n'existe plus et il est un petit peu vite oublié. Donc c'est un milieu très concurrentiel, et il faut vite être soit différent, soit être dans des cases très précises, de répondre à certains codes, que ce soit graphique ou narratif. Et Gotouge, au final, n'a pas connu que des succès dans le Weekly Shonen Jump. Donc voilà, mais c'est évidemment l'une des structures les plus célèbres et les plus éminentes de la prépublication au Japon. Pour compléter ce que dit Bruno par rapport au Jump, donc il faut bien imaginer que c'est une espèce de Spirou, mais qui aurait une forme d'annuaire, hein, avec 300, 400 pages hebdomadaires, avec chaque fois des chapitres de 18 ou 20 pages que pondent les mangakas une semaine. À sa grande période, le Jump se vendait à plus de 6 millions d'exemplaires par semaine, donc ça on est au milieu des années 90, et depuis c'est une chute inexorable des ventes, qui a été un petit peu amortie avec l'effet One Piece, puisque One Piece est également une pépite issue du Jump, et les éditeurs se rendant compte au fur et à mesure que les ventes s'érodaient, ils se sont dit « il faut qu'on trouve quelque chose », et alors que le magazine a été créé en 68, c'est seulement depuis 3 ou 4 ans que le Jump a ouvert ses portes à des dessinatrices, comme Gotouge, quelqu'un comme Demizu Posca qui a fait The Promised Neverland. Donc deux succès dus à des femmes, ce qui était exceptionnel pour le Jump. Et de même, ils ont également ouvert les portes à des dessinateurs étrangers comme Boichi avec Dr. Stone qui cartonne. Et donc ce qui prouve que il y a un changement de mentalité qui est en train de s'opérer au niveau de la direction du Jump par rapport aux auteurs, puisque auparavant c'était vraiment des hommes japonais qui dessinaient dans le Jump, puisque c'était essentiellement des séries destinées à un public de jeunes garçons japonais. Même les autrices de Promised Neverland, d'ailleurs, on nous disait non, dites que ce sont des hommes, même si nous on savait pertinemment que c'était des femmes. Et il faut préciser pour Demon Slayer que c'est une série finie désormais. Oui, c'est très drôle parce que la série a commencé en 2016 dans le Jump, et c'est fini en mai 2020, et ça marchouillait. C'était pas un bide, c'était pas non plus un succès tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. En septembre 2019, ils avaient vendu 10 millions d'exemplaires au niveau des tomes. Et il y a eu l'animé. Et l'animé s'est terminé en septembre 2019. Et alors, chose très amusante, d'habitude, les Japonais suivent les séries animées à la télévision semaine par semaine. Et dans le cas de Demon Slayer, il y a eu une espèce de phase de binge-watching, puisque la série était disponible en streaming derrière. Et là, il y a eu un tel raz-de-marée de la part des personnes que les ventes sont parties en flèche. Le problème, c'est que Shonen Jump avait déjà acté la fin de la série. Et donc, ils se sont retrouvés avec de l'or dans les mains, en sachant très bien que c'était fini, qu'ils allaient devoir fermer le réservoir. Et donc, ils ont arrêté la série en mai 2020. Et pendant ce temps-là, on a pu voir sur l'année 2020, c'est parti en flèche. Donc, septembre 2019, on est à 10 millions. Décembre 2019, 25 millions. Février 2020, 40 millions. Quand on arrive à juillet, on est à 70 millions. Quand on arrive à octobre 2020, on est à 100 millions. Et quand on arrive en février 2021, on est à 150 millions de tomes vendus. Le dernier tome, le tome 23, quand il est sorti, Tsutaya, qui est une des plus grosses chaînes de librairie, avait fait des murs entiers avec les tomes du sol au plafond, parce qu'ils savaient, et on peut voir des vidéos qui sont très amusantes, où on voit les gens qui rentrent tout à l'heure de Shibuya, et qui prennent leur tome, et je sais pas, il y a des milliers de Japonais qui font la queue pour acheter le tome 23 de Demon Slayer. Et justement, fort de ce succès surprise pour le Weekly Shonen Jump, est-ce qu'il n'y a pas eu des velléités de créer peut-être une série dérivée ou une génération de nouveaux pourfendeurs pour spéculer sur parce que on sait qu'ils sont en recherche de nouveaux lecteurs. Il y a eu des spin-offs sur ce point-là. Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus compétentes que moi pour parler des spin-offs en tant que qu'œuvre dérivée, parce que j'ai à peine jeté un œil, vu que ce qui est très intéressant, c'est le nerf de la guerre, c'est Demon Slayer. Oui. Peut-être non. Je ne sais même pas s'ils sont sortis en France à l'heure actuelle, donc c'est pour ça que ça me paraît un peu compliqué de... Il y a eu un numéro, un roman, ouais. Oui, et un spin-off que j'ai lu qui raconte une aventure de Giyu, oui, de Giyu tout à fait, et oui. De Rengoku. Mais c'est le joueur, c'est le seul ouvrage qui est sorti, oui. À l'heure actuelle, ouais. Tout à fait. Donc, en fait, on sait très bien après que la Shueisha a pour habitude de, quand ça fonctionne vraiment bien, de commencer à mettre en chantier d'autres projets autour. Donc, moi, je serais quand même pas étonné de voir, effectivement, d'ici peut-être un an ou deux, voir un autre projet Demon Slayer revenir. Après, est-ce que aussi l'autrice veut ça? Parce que c'est aussi quand même, aujourd'hui, je trouve, peut-être une plus grande liberté dans le Shonen Jump au niveau des auteurs. Ils font un peu plus. S'ils ont envie de terminer la série, je trouve qu'ils sont un peu plus libres aussi. Ils sont plus enchaînés à leur top de dessin. Ils sont plus enchaînés comme Toriyama qui a été forcé de faire par exemple de faire l'arc bout, je trouve. Ouais, sachant que Gotoge a clairement annoncé qu'elle voulait changer complètement de cap en faisant une espèce de comédie romantique science-fiction, donc vraiment qui n'a plus rien à voir. D'un autre côté, en 2020, Demon Slayer, ça a rapporté 1000 milliards de yens, ce qui fait à peu près 8 milliards d'euros. Hein, c'est pas rien. Bon, sur ces 1000 milliards, il y en a 90% qui viennent des produits dérivés, on va pas se mentir. Mais ça reste quand même une licence extrêmement lucrative, et donc peut-être qu'il y aura toujours un argument de gros chèque qui pourra motiver la dessinatrice à revenir à sa table à dessin sur cette série. Ringo, est-ce qu'on peut définir le style d'écriture et de dessin de Koyoharu Gotoge? Gotoge, elle a un style quand même assez particulier pour une femme quand même, parce que souvent les femmes, on les associe très souvent au shoujo. Le shoujo, du coup, c'est le manga pour les femmes, et c'est souvent, très souvent, des histoires d'amour, mais pas que. Et c'est des traits plutôt fins, en général, des filles très jolies, ce genre de choses avec de beaux garçons. Et Gotoge, elle a un style complètement différent. Je vais pas dire laid, parce que c'est pas du tout ça, mais c'est pas ce à quoi on s'attend. Quand on ouvre un tome de Demon Slayer, c'est un style un peu plus rugueux, des traits un peu plus tremblotants, c'est ce genre de choses, et même dans le chara design de ces personnages, c'est pas quelque chose qu'on aurait l'habitude de voir. Même s'il y a quand même les tropes habituelles, comme les cheveux roses, un personnage avec des cheveux bleus, ce genre de choses qui est très souvent commun dans les shounen, elle a un style beaucoup plus personnel, et elle va pas essayer de plaire au plus grand nombre. C'est ce qui a beaucoup étonné d'ailleurs les gens qui sont passés de l'animé au manga, parce que l'animé a sublimé le trait. C'est un peu pareil dans l'Attaque des Titans, quand on ouvre le manga, c'est pas ce qu'on a eu dans l'animé. Mais moi je trouve qu'il y a quand même un certain charme, une certaine sincérité avec ce dessin, parce que en fait, elle y va, c'est son style, et ça plaît, en fait. Moi, c'est ça qui m'a plu tout de suite dans le manga, plus que dans l'animé, parce que l'animé, on va y revenir, Ufotable a bien son style, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Et dans le manga, en fait, c'est quelque chose de très différent par rapport à tout ce qu'on a dans le Jump. Comme disait Mathieu, c'est souvent des... 90% du temps, c'est des hommes qui sont derrière. Donc, ils ont un style beaucoup plus viril. Les personnages masculins ont de gros muscles, les personnages féminins ont des grosses poitrines, parce que c'est ça qui fait vendre dans le Jump, faut attirer l'œil des garçons. Alors que là, c'est beaucoup moins le cas. C'est des femmes, des jeunes filles plus menues, plus fortes aussi. Elles n'ont pas besoin d'être protégées forcément. Mais il y a quand même des fois même très souvent c'est même elle qui protège très souvent les hommes, mais il n'y a pas ce côté de la femme badass qui est là pour être badass. Elles ont quand même une certaine sincérité, une certaine pureté, elles sont sensibles, et pareil pour les hommes. On reviendra plus tard sur d'autres personnages, mais Inosuke, juste pour parler de lui, il a l'air d'être bourrin, mais il a des traits très androgynes, et il a une certaine pureté lui aussi, ce qui casse complètement avec le code qu'on a très souvent dans les mangas du Shonen Jump, qui a quand même de gros titres comme Ken le Survivant, comme Cobra, qui était dans les années 80, des mâles alpha ultra virils, ou même plus récemment avec des Zoro dans One Piece, genre de choses, qui sont des mâles alpha aussi. Là, c'est des jeunes enfants, et c'est super agréable de les suivre, notamment avec le style de dessin de Gotoge. Il y a aussi cette singularité dans son dessin qui sont les yeux, en fait. Quand elle dessine les yeux de ses personnages, on a l'impression qu'elle a dessiné un dessin dans le dessin, c'est-à-dire qu'il y a le visage, et puis il y a le moment où il y a ses yeux, où elle fait des sortes de graphismes très spécifiques suivant le personnage, et on a vraiment l'impression que rien que l'œil d'un personnage, c'est déjà un dessin en tant que tel, et après elle a fait le visage autour. Mais c'est vrai qu'artistiquement, c'est quelqu'un qui ne... Elle a une mise en scène qui est assez frontale, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est dans l'espace perdu, c'est pas quelqu'un qui est même dans le non-dit sur certaines scènes. Elle dessine de façon très frontale, très lisible. Et le dessin de Gotouge n'a jamais été un souci pour Shueisha. C'était davantage dans l'approche du récit. Si Demon Slayer fonctionne, c'est parce qu'il a fallu simplifier, faire un récit plus simple, que tout le monde puisse comprendre. L'air Taisho d'ailleurs n'est pas pris au hasard, c'est pour être une sorte de référence aussi pour les Japonais. Et je trouve que dans son dessin, il y a une délicatesse presque, c'est parfois même besogneux à certains moments, mais ça fonctionne très bien. Ses motifs, par exemple, ils sont aussi irréguliers, ça fonctionne bien sur les habits. C'est quelque chose qui a d'ailleurs été conservé dans l'animé. Donc elle a une approche comme ça qui est frontale, qui est très claire, assez lumineuse. Et je crois que c'est un bon symbole de cette époque où on a par exemple des mangas comme Jujutsu Kaisen où on est un petit peu plus sombre avec un trait plus rough, plus sauvage. Là, c'est des lignes claires, presque indéfinies par moment. Donc, il y a une délicatesse dans ces planches. La musique de Demon Slayer a aussi un rôle important dans le succès de l'animé et notamment le titre que l'on va écouter, Gurenge, le thème d'ouverture de Demon Slayer. Cœur brûlé, 手は掴みたいものがある. して C'était le thème d'ouverture de Demon Slayer dans Blockbuster sur France Inter. Je me présente, je suis Urokodaki Sakonji. Eh bien, le jeune homme dont m'a parlé Tomioka Giyu. Oui, c'est ça. Je m'appelle Kamado Tanjiro. Et elle, c'est ma sœur Nezuko. Tanjiro, comment réagiras-tu quand ta sœur dévorera un humain ? Il faut que tu réagisses plus vite que ça. Tu mets beaucoup trop de temps à répondre. Tu n'es même pas parvenu à tuer le démon avant l'aube. Et sais-tu pourquoi tu n'as pas répondu tout de suite après ma question ? Parce que tu ne sais pas prendre de décision. Si cela doit se produire, tu n'auras pas le choix. Tu devras t'obliger à deux choses. D'abord, tuer ta petite sœur, puis te donner la mort en t'éventrant. C'est la conséquence de l'avoir emmené avec toi. Garde ces paroles en mémoire. Tu dois ancrer cela au plus profond de ton esprit. Et s'il y a bien une chose qui ne doit jamais arriver, c'est que ta sœur commette l'irréparable en volant la vie d'un innocent. As-tu bien compris ce que je viens de te dire ? Oui ! Alors dans ce cas, je vais m'assurer que tu es digne de devenir un pourfendeur de démons. Va chercher ta sœur et suis-moi. Clémence, dis-nous. Oui. L'intrigue de Demon Slayer est finalement assez simple. Voilà, une sœur contaminée par un démon qui elle-même devient un démon. On sent qu'on a revisité un petit peu le mythe des vampires. Mais pourtant, la série attire inexorablement. On est tout de suite passionné. Comment on explique ça ? Je pense que c'est vrai qu'il faut le dire d'abord, c'est quand même une série qui est hyper mainstream, c'est-à-dire qui reprend énormément tous les codes en fait du shonen neketsu classique. On retrouve le tournoi, on retrouve ce personnage combatif, on retrouve voilà sa petite bande d'amis sympathiques. Donc et c'est, on va le dire quand même, une recette extrêmement efficace. Donc rien que ça déjà, c'était parti gagnant. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a plusieurs spécificités à Demon Slayer, et pour moi, la plus importante, elle vient justement de ce personnage de Tanjiro, qui, comme tu le disais tout à l'heure, Ringo, qui en fait est assez différent des personnages traditionnels en fait du shonen, puisque c'est une personne qui est gentille, qui est empathique, qui a énormément de cœur et intelligente. Ouais, exactement. Et justement, cette empathie, en plus, elle ne va pas uniquement être dirigée vers ses amis, vers les humains, mais aussi vers les démons. Et je trouve que c'est un récit en plus justement qui est extrêmement humain, qui parle de l'humanité, puisqu'en fait derrière toute la monstruosité des démons, en fait on retrouve de la tristesse, de la colère, en fait énormément de peine. Et du coup je pense que c'est toute la force en fait de ce récit, c'est de voir Tanjiro qui montre cette humanité. Et je pense qu'il y a une scène qui est extrêmement marquante, par exemple, c'est dans le moment de l'épreuve dans la forêt où il rencontre un de ses premiers vrais démons, le démon à mille mains, j'avoue que je ne me rappelle plus exactement du nom. Une sorte de grosse masse informe c'est avec ça, cette beaucoup, masse informe. Beaucoup de bras. Et il y a une scène qui est très poignante, c'est le moment moi, où je me suis dit, mais en fait c'est un personnage qui est incroyable, c'est le moment où à la fin de ce combat, il comprend la tristesse en fait, de ce démon qui s'est transformé et il lui prend la main. Et là, je trouvais que c'était quand même une scène incroyable. Et à mon avis, c'est ça vraiment la force. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, mais la force de ce récit passe énormément par son personnage principal. Oui, par l'humanité qui se dégage de ce personnage incarné par Tanjiro. Mmh. Et justement, quel est votre personnage préféré dans cette histoire ? Moi, j'aime bien Tengen, personnellement. Bruno ? Je trouve que visuellement, en tout cas, il est bien mis en avant, il est fort, il a une bonne tête. Donc ouais, moi perso, mais c'est juste visuel, c'est côté artistique. D'accord. Ringo ? Pour moi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Inosuke, que j'aime beaucoup. Alors Inosuke, juste pour le décrire, c'est un homme avec une tête de sanglier, il est torse nu, et il crie tout le temps, et il court dans tous les sens. Voilà. Il est extrêmement souple. Et il est extrêmement souple aussi, il fait des choses que je n'arrive pas à faire personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'y arrive pas. Et je l'aime beaucoup parce que sous cette brutalité, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une certaine pureté. Il est très stupide, j'aime beaucoup les personnages stupides. il apporte beaucoup avec l'humour. Et ça permet de m'identifier. Moi, exactement, vu que je suis stupide aussi, je m'identifie vachement à ce personnage. Je plaisante. Non mais c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et là la saison c'est fini et on a pu voir qu'au final... malgré qu'il soit très, très bébête, quand il faut être là pour ses amis, il l'est. Même si il fait toujours, il veut toujours jouer le chef, c'est moi le patron, etc. Quand Zenitsu, Nezuko ou Tanjiro ont besoin de lui, il est là. Et c'est ça que j'aime beaucoup, d'ailleurs, beaucoup chez lui. D'ailleurs, sur cet archétype du shonen traditionnel, il y a des surprises. C'est-à-dire que quand le personnage d'Inosuke apparaît, on imagine très vite une rivalité comme on en a déjà vu mille fois dans les shonen. Et en fait, assez rapidement, le schéma est changé. Il respecte Tanjiro, il devient ami avec lui, et on n'est pas du tout dans cette rivalité Goku, Vegeta, Naruto, Sasuke. Ce qui change beaucoup, moi, je pense, c'est que en fait, c'est un trio. C'est Zenitsu, Tanjiro et Inosuke, Nezuko mis à part parce qu'elle est souvent dans la boîte et elle dort. Alors que souvent, les exemples que vous venez de citer, c'est Goku et Vegeta, Naruto et Sasuke. Là, c'est vraiment Tanjiro, Zenitsu et Inosuke. Et ils forment un bon trio tous les trois. En fait, ils se complètent bien. Alors, Lingo, on a parlé de Nezuko et du fait qu'elle est dans une boîte. Mais il faut préciser aux auditeurs pourquoi la boîte, pourquoi elle dort dans une boîte. Alors, pourquoi elle dort dans une boîte? Parce qu'on l'a dit, Bitel l'a dit quand il a raconté l'histoire, c'est qu'en fait, c'est devenu un démon. Mais c'est pas un démon à 100%, parce que normalement les démons se contrôlent plus, ils veulent manger des humains, ils deviennent complètement fous. Alors que elle, en fait, elle arrive à conserver une certaine humanité. Et pour ça, on lui a mis un espèce de, je saurais même plus dire, un bambou qu'on lui a mis dans la bouche pour pas qu'elle aille mordre les autres. Et en fait, elle reste toujours dans l'espèce de boîte que porte son frère, une boîte quand même assez lourde, pour pas justement être touchée par les rayons du soleil, parce que ça les détruit. Donc elle dort toujours la plupart du temps dans cette boîte, et quand elle en sort, ça rigole plus. Mathieu Pinon. Alors, personnellement, j'ai beaucoup d'affection également pour Inosuke, pour son côté très ras du front. Quand il est face à une barrière, il va pas essayer de creuser pour passer en dessous, de l'escalader ou de chercher à contourner. Non, il fonce, et à un moment la barrière finira par céder. Donc ce côté très brut de décoffrage. Mais Zenitsu est très intéressant aussi, parce qu'en fait il y a vraiment, c'est comme tu l'as dit, Ringo, cette complémentarité entre les personnages. Et à ce côté toujours c'est-à-dire que Inosuke, il est toujours avec cette tête de sanglier. Quand on enlève cette tête de sanglier, en dessous, c'est un super beau gosse. Zenitsu, il passe son temps à chouiner, mais à partir du moment où il est endormi, il devient un super sabreur. Et il y a ce côté potentiel caché en soi qu'on n'arrive pas à accepter. Il est bon à l'insu de lui-même. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Zenitsu est le personnage préféré de tout public féminin au Japon. Parce qu'on a oublié de le dire, une des raisons du succès démentiel de Demon Slayer à l'heure actuelle, c'est que la série animée, c'est majoritairement des jeunes filles qui la regardent, surtout des collégiennes lycéennes qui ont entraîné leur mère dans le délire. Ouais. Et quand le film est sorti au Japon, les salles n'étaient pas remplies de jeunes garçons qui étaient là pour voir de la baston. Il était rempli de mères et de leurs filles qui étaient venues ensemble pour chialer ensemble devant le film. Donc Zenitsu est très très intéressant par rapport à ça. Bitel ? Eh ben justement, on parlait du film. Moi, mon personnage préféré, c'est Rengoku. Parce que il a trop de charisme. Qui est un des piliers. Qui est le pilier du feu, qui est même la figure, je pense, la plus importante pour Tanjiro. Quand on prend le récit, c'est la figure qui l'a fait évoluer. C'est un peu le Jiraiya de Naruto des suites de sa mort, qui va changer et bouleverser un petit peu la vision de Tanjiro. Il se dit que on passe quand même d'un adolescent qui essaye de sauver sa sœur à quelqu'un qui veut vraiment éradiquer les démons à ce moment-là. Sur la fin du film, on voit qu'il est rempli de haine et qu'il a envie juste d'éradiquer vraiment cette menace-là. Oui, et puis en même temps, rempli de haine, mais il dit, il a des propos qui touchent juste le démon qui a mis fin à la vie de Rengoku en disant, mais on se bat sur votre terrain la nuit, alors que nous ne sommes que des humains, on n'a pas cette possibilité de se régénérer comme vous, et vous tirez une sorte d'orgueil de nous battre, alors qu'en fait on est tellement des outsiders, un peu handicap, et effectivement il y a quelque chose de très humiliant qui est adressé à ce démon en lui disant, mais en fait vous êtes des gros nazes, quoi, et vous êtes content d'avoir battu des gens qui de toute façon partent avec un énorme handicap, partent complètement perdants de base, et c'est pour ça que Rengoku pour moi a été un pilier vraiment au-delà d'être un pilier dans le manga, dans l'organisation, un pilier dans le manga et qui va permettre vraiment à Tanjiro d'évoluer sur beaucoup de choses. Et on le verra même par la suite parce que ça va découler beaucoup de choses, même aussi au niveau de son style de combat. Donc Rengoku, c'est pour moi vraiment l'un des meilleurs personnages. Il y a quelque chose de très marquant dans ce que tu viens de dire sur la bascule dans l'objectif de Tanjiro entre sauver sa sœur et ensuite vraiment aller faire la chasse aux démons, parce que je trouve que c'est pour ceux qui n'ont jamais vu Demon Slayer, qui se demandent si ça pourrait les intéresser, on peut vraiment faire une espèce de gros parallèle avec Fullmetal Alchemist qui déjà a le mérite d'être un shonen dessiné à son tour par une femme à l'origine, et je trouve qu'on retrouve beaucoup de thématiques communes, ne serait-ce que dans le fait que dès le début les héros ne sont pas là pour sauver l'humanité, ils sont là par rapport à leur destin à eux, et même une tragédie familiale. Dans les deux cas, on a deux frères qui veulent retrouver leur corps après avoir fait une catastrophe alchimique dans laquelle leur mère est passée à l'as. Là, c'est un frère qui veut sauver sa sœur suite à une catastrophe dans laquelle sa famille est passée à l'as. Et au fur et à mesure de leur évolution, leur objectif, à l'origine extrêmement personnel, prend une ampleur beaucoup plus large et ils commencent à accumuler des responsabilités sur leurs épaules. Donc voilà, si vous aimez Fullmetal Alchemist, que vous ne connaissez pas Demon Slayer, vous pouvez rentrer dedans, vous allez retrouver beaucoup de cheminements identiques. Clémence Dunoux, votre personnage préféré? Alors forcément, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, il y a Tanjiro déjà, mais j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour Hotaru, qui est le forgeron, qui est quand même un personnage haut en couleur, dont on avec découvre son masque. Exactement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce masque, en fait, il a été créé un peu sous le soutien de l'éditeur justement de Koyoharu Gotoge, puisqu'en fait il voulait que son visage soit un peu plus se démarque un peu plus que la première ébauche, et en fait comme l'autrice savait pas comment le faire, elle a décidé de mettre ce masque un peu ridicule, voilà, qui est extrêmement drôle. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce personnage, et dont on découvrira un peu plus donc l'histoire dans la troisième saison, puisque pour l'instant le village des forgerons. Et voilà, c'est mon petit chouchou, qui est très rigolo. Lorsque le film Le Train de l'Infini est sorti au cinéma, certains journalistes ont découvert le phénomène Demon Slayer et ont voulu en parler. Mais on est en 2022 et parler maladroitement de certains mangas, il y a des gens, ils aiment pas. Demon Slayer, c'est quoi ce dessin animé japonais qui s'annonce comme un gros carton? Ce film d'animation japonais pour adolescents que personne n'avait vu venir sort sur une très grande combinaison de salles et jouit d'un taux exceptionnel de pré-réservation. On pourrait presque parler de hold-up. Et parce que pour le public pré-adolescent, le manga d'origine et la série animée font partie des musts du genre, il est classé tout public avec avertissement. Demon quoi? Et dire qu'il y a encore 3 semaines, personne n'avait entendu parler du film dans le milieu. Très codé, plutôt bruyant, doté d'un graphisme classique, le film enchaîne les combats assez violents. Ce qui ne devrait pas gêner des jeunes fans malgré un passage limite sur les rêves de suicide à répétition. La phrase « même en rêve, cela demande du courage de se suicider » pas choquante dans la culture japonaise, aurait peut-être nécessité chez nous un message du genre de ceux que l'on peut voir avant certains programmes sur Netflix. Pour le reste du scénario et de la mise en image tapageuse, on déconseille aux adultes de s'y risquer, sous peine d'être totalement largués. La note de la rédaction: 2,5/5. J'aime pas. L'article que vous avez entendu est bien évidemment un article du Parisien qui, je l'avais lu au moment de la sortie, à mon avis n'était même pas véritablement fait pour être un troll, mais qui est tombé très très très à côté de la plaque. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cet accueil critique? Parce qu'en plus on était dans un contexte un peu particulier, les salles de cinéma venaient de rouvrir, c'était vraiment, il y avait une invitation collégiale à retourner au cinéma, à encourager le monde de la culture, et soudain il y a Demon Slayer qui se tape des pics au box-office. Et tout le monde se regarde, c'est quoi ce film en fait, c'est pourquoi ça fonctionne, et donc comment vous avez vécu ce phénomène assez étonnant en 2022 et qui est quand même toujours là, qui est, ah oui c'est vrai, il y a aussi vos trucs là, les animés, les mangas. Il y a quand même un point important à noter, c'est que le film était sorti il y a déjà pas mal de temps au Japon, et c'était quelque chose qui était énormément attendu en France parce que on savait que la saison 2 arrivait. Mais on n'avait toujours pas le lien. Donc du coup, ça commence à être un petit peu critique pour les fans français. Donc du coup, oui, parce que c'est ça en fait. Le film est la suite de la saison 1. La suite directe, le film de transition qui amène vers la saison 2. C'est complètement différent, par exemple, des films de, au hasard, My Hero Academia, qu'on peut vraiment regarder sans rien connaître à la série. Pendant les 10-15 premières minutes, on aura l'exposition. Ou Dragon Ball, on va présenter les personnages aux néophytes. Là, non, si vous connaissez pas Demon Slayer, vous connaissez le film, on vous prend directement dans l'action et tant pis pour vous. Hein, il fallait faire comme avec Télé 7 jours si vous avez raté le début et lire un petit peu un petit récap avant. Excuse-moi, Vital. Non, mais y a pas de soucis. Donc du coup, c'est sûr qu'il y avait déjà de base une attente très forte sur ce film-là parce que on l'avait vu qu'il pétait les scores au Japon. Enfin, quand on l'a vu détrôner quasiment tous les films d'animation au box-office japonais, on est en mode tous. Ah, il a fait tous. Il a battu Chihiro. Ah, il a battu Chihiro, oui, c'est vrai. Exact. En 2 mois et demi. Donc du coup, bon, bah voilà. Qui était resté numéro 1 pendant 20 ans quand même. Oui. Donc c'est, enfin, quand même l'exploit est quand même assez notable. Et donc du mais coup, là déjà, je sais que les auditeurs de France Inter, là, ils ont fait quoi? Ça a battu le voyage de Chihiro. Non, c'est assez extraordinaire. Parce qu'il y a un culte Miyazaki chez les éditeurs de France Inter. Donc imaginez que voilà, ça te permet de créer une échelle de valeur. Donc du coup, forcément, voilà, on avait tous ces échos-là du Japon. Ça explose tout. Nous, il y avait le climat, donc du coup, effectivement, au niveau du Covid, qui permettait pas de sortir au cinéma. Et forcément, on a eu l'annonce directe de la réouverture des cinémas. Wakanim, ils sont arrivés tout de suite, ils ont balancé toutes les avant-premières possibles. Il y a eu beaucoup de salles, hein, qui ont eu le film, pour le coup. Il y a eu une grosse exploitation pour un film d'animation japonaise qui vient d'un manga que, entre guillemets, le commun des mortels ne connaissait pas. Et on arrive, bah, du coup, à ce moment-là, Grand Rex. Moi, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris de voir autant de gens sur ce genre de sortie-là. Même des gens qui ne connaissaient pas, effectivement, ce dessin animé, mais qui se sont quand même laissés prendre au jeu. Dans certains complexes, il y avait deux salles qui diffusaient Demon Slayer. Et ça a créé, en tout cas, Bruno Dachau. Je crois que c'est ce qu'on doit retenir, c'est qu'en France, ça a créé on peut parler d'un cas Demon Slayer, parce qu'on a fait plus de 700 000 entrées, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Plus que ça. Et aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on parle d'un film de licence, par exemple, il y a Jujutsu Kaisen qui le va zéro arriver. Le zéro qui doit bientôt sortir. Voilà, à l'heure où on se parle. Et ben, du coup, les exploitants se disent tiens, c'est vrai que Demon Slayer avait pas mal marché, mais c'est vrai que, comme le rappelle Mathieu, ce qui est assez intelligent, ça peut paraître un petit peu bête, même au final, c'est que c'est un film qui est nécessaire si on suit la série. Et à partir du moment où vous proposez un film, un morceau qui est nécessaire au canon d'une série, c'est presque logique que les fans aillent suivre ce morceau, parce que sans ça, ils vont rater quelque chose de leur série. Mais c'est d'ailleurs très intéressant, et je me demande même si c'est pas l'éléphant dans la pièce que les gens évitent d'aborder quand on parle des succès des films de super-héros, parce qu'il y a aussi cette idée de suite presque indispensable pour comprendre ce qui va arriver. À l'inverse que les films de super-héros sont, il y a tellement d'histoires et de récits chez Marvel ou autre qu'il y a presque, il y a un début mais il y a pas de fin, donc c'est ça qui est un petit peu plus compliqué pour. C'est presque des parenthèses même en plus, alors que là il n'y a que ça pour Demon Slayer. C'est-à-dire si vous voulez tout connaître de Demon Slayer, faut vous farcir la série, il faut absolument regarder le film, sinon vous passez à côté. D'ailleurs, on peut aussi préciser que Demon Slayer est arrivé en France par un film. C'est d'abord une projection des 5 premiers épisodes. Ce qui fait que lorsque tu découvres la série, tu as déjà une qualité long métrage, ce qui est presque absurde par rapport aux qualités du format TV que nous avons actuellement dans l'industrie de l'animation japonaise. Donc ça profite d'une exploitation qui est, enfin d'une vitrine qui est brillante, d'autant qu'il y avait en plus quelqu'un du studio Footable qui était présent. Donc c'est toujours le signe de, à dire, d'une certaine importance lorsqu'il y a une projection. Et avant de parler du dessin animé, car je vous connais Frédéric, je vous vois très bien arriver vers là, je voudrais juste rappeler que le cas Demon Slayer, pour moi, sur ce, il est encore représentatif du fait qu'en 2021-2022, les journalistes spécialisés culturels cinéma en France n'ont les yeux rivés que sur l'Europe et éventuellement le continent américain, mais le continent asiatique passe complètement à côté. Il y avait déjà eu la surprise, « Oh quoi, Parasite, qui gagne plein de prix, mais on comprend pas, le cinéma coréen, finalement, ils sont forts ?» Oui, le cinéma coréen, ils sont forts. Et là, on l'a dit, pendant 2 mois et demi, on voyait le film Demon Slayer qui pétait mais tous les records. Et là, on ne parle pas par rapport à un film d'animation, on parle du box-office tout court. Global. Oui. Global. Il explosait les films de Marvel, il explosait tout le monde. Et on a encore des journalistes pour des grands titres comme Le Parisien qui font... Ce film dont on n'avait jamais entendu parler, pendant 2 mois et demi, quand tu vois pas qu'au Japon, qui est quand même un des, il doit être dans le top 4 ou top 5 des pays fournisseurs de cinéma à l'heure actuelle, tu vois pas qu'il y a tel titre qui est en train de péter le box-office, remets-toi en question. Et, alors attention, parce que là, on va croire que c'est quelque chose à charge contre le journaliste du Parisien, il n'y a pas que le Parisien, c'est valable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands titres. Et donc, c'est vraiment triste de se dire qu'encore aujourd'hui, il y a tout un pan, de la culture mondiale qui est occulté parce que, Alors, je sais pas, peut-être parce que c'est pas des blancs qu'on voit à l'écran, peut-être parce que c'est une langue différente que l'anglais qu'on apprend à l'anglais, parce que c'est pas les mêmes schémas narratifs, peut-être parce que c'est pas les mêmes supports, que l'animation est privilégiée, peut-être, peu importe les théories du peut-être, à l'heure actuelle, c'est un cas qui va vraiment, vraiment falloir régler et vite. Oui, mais Mathieu, tu trouves pas que c'est dommageable que l'on doit, enfin, on est obligé de s'y intéresser parce que ça bat chez Hiro, parce que ça fait des chiffres, c'est ça qui est malheureux en réalité, oui. Enfin, selon moi. Il y a des merveilles absolues en termes de films d'animation. Je ne sais pas, je prends un exemple assez récent comme Makia, par exemple, qui est un film d'animation de très grande qualité. Ça fait des chiffres loin de ceux de Demon Slayer. Donc on ne s'y intéresse que parce que c'est un phénomène, que parce que ça fait du chiffre. Et je crois que c'est malheureux, surtout quand on est journaliste. Nous, notre métier, en tout cas, ce n'est pas d'attendre le succès pour le traiter. On doit le faire. Mais c'est aussi de s'intéresser, là je parle plus spécifiquement de la presse SP, aux tendances, aux écritures, aux artistes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça raconte. Donc voilà, je suis toujours un petit peu attristé de voir qu'il faut attendre absolument que ça fasse des chiffres dingues pour qu'on s'y intéresse. Je te rejoins, Bruno, c'est juste que sur l'argument de ce film dont on n'avait jamais entendu parler, il ne peut pas tenir debout par rapport à ça. Tu sais très bien que des personnes qui ne s'intéressent pas à cet art ne peuvent pas entendre parler des films que cet art produit. Donc... Moi, ce qui me fait bien, Et comme on le disait, en plus, on était dans un contexte de réouverture des salles, et je pense qu'en fait, il y a eu, à mon avis, une sorte de jalousie un peu mal placée vis-à-vis de ce film dont lui n'avait jamais entendu parler, qu'il ne connaissait pas, et que potentiellement, en fait, il n'estimait pas non plus avoir une grande valeur, parce que peut-être que dans son esprit, c'était une sorte de sous-culture aussi, peut-être. Et du coup, de voir ce film-là détrôner quasiment tous les autres. Tous les films français qu'il y avait à côté, je pense qu'il y a eu une sorte de malaise un petit peu par rapport à ça, et il a dû, il s'est lâché sur le film. Je crois trahir aucun secret, c'est pas un chef-d'œuvre. Le film Demon Slayer n'est pas un chef-d'œuvre. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre au regard d'autres grands films d'animation qui sont sortis au cinéma, mais c'est un film dès l'instant où c'est la suite d'une saison 1 et que ça amorce la saison 2. Bien sûr, il est très important, mais ça peut être hyper important sans être un chef-d'œuvre. Moi, je l'ai vu en tant que complétiste de Demon Slayer, je voulais voir la suite. Mais bien sûr. Je l'ai vu en tant que journaliste, mais je me souviens très bien quand je suis rentré dans la salle de cinéma. Du haut de mes 44 ans, j'ai fait grimper la moyenne d'âge de 8 ans. C'est quelque chose qui est également difficile à concevoir, puisque en France, on est encore persuadé que le cinéma à l'heure actuelle, c'est pour des personnes de 50, 60 ans que la jeunesse se jette sur Netflix. C'est pas pour rien si Netflix, Amazon Prime, Disney Plus cartonnent autant, parce qu'ils offrent des produits que les jeunes ont envie de voir, que le cinéma français ne leur apporte pas. Et là, de se dire que ce film, il fait un carton majoritairement porté par des collégiens, des lycéens. Mais le monde à l'envers pour les journalistes cinéma français. Donc je comprends, ça paraît très bizarre, mais s'il y a une telle appétence d'un jeune public, c'est pas pour rien, parce que le jeune public, faut pas croire qu'on lui sert n'importe quoi, il cherche de la qualité aussi quelque part. Donc à défaut d'être un chef-d'œuvre, il y avait tout ce qu'ils avaient envie de voir, et c'était très bien servi. Oui, mais c'est pas parce que tu dis ce qu'ils ont envie de voir. Bingo. Juste ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui a été dit là, moi ce qui m'attriste vachement, c'est que la presse française, qui n'est pas spécialisée dans le manga ou dans les animés, ne s'intéresse qu'à Ghibli. C'est Ghibli au Japon et rien d'autre. Et la phrase qui m'énerve, c'est dès qu'il y a un nouveau film d'animation, c'est le nouveau Miyazaki. Il faut arrêter avec cette phrase. Ils font aussi le nouveau Osoda. Il y a Osoda Mamoru maintenant un peu. Dès qu'il y en a aimé sorti, c'est le nouveau Miyazaki. Par contre, j'avais posé la question à Osoda, par exemple, sur le succès du film Demon Slayer, à son producteur plus précisément. Je dis, voilà, est-ce que vous, qui créez des métrages originaux, ou en tout cas parfois adaptés très légèrement de romans, est-ce que ça vous embête de voir des succès comme ça, incroyables comme le film Demon Slayer? Il m'a dit ben non, parce qu'il y a des artistes qui sont faits entre guillemets pour faire vivre des licences, et d'autres qui sont faits pour créer des films d'art et d'essai, quelque part. Donc même au Japon, en tout cas entre les artistes, on ne nous pose pas les choses comme ça. C'est pas mieux, c'est pas parce que Osoda propose des films originaux d'auteurs que c'est mieux que Demon Slayer. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, quand je dis que c'est pas un chef-d'œuvre, c'est juste sur le plan purement de ce que ça peut raconter, les idées, etc. Voilà, je crois qu'on a vu des meilleurs films que ça. Bonsoir et bienvenue. Nous vous sommes reconnaissants de vous être déplacés pour la sélection finale. Nous tenons à vous remercier. Vous êtes sur le mont Fujikasane. C'est ici que les pourfendeurs retiennent les démons quand ils les ont capturés. Ils sont placés en captivité. Depuis la vallée jusqu'à mi-hauteur où nous sommes, les glycines fleurissent tout au long de l'année. et on s'est aperçu qu'il détestait particulièrement cette zone. Mais là, ce n'est plus la même chose. Les glycines ne font plus partie du paysage, et donc il y a des démons. Survivez en ces lieux pendant 7 jours. 7 jours, et vous aurez réussi les épreuves de la sélection finale. Allez-y, et nous vous souhaitons bonne chance. Et un tournoi, un. Ringo, Demon Slayer et l'Attaque des Titans sont deux mangas qui doivent une grosse part de leur succès à leur adaptation en animé. Et est-ce que c'est un changement de modèle économique par rapport à l'industrie du manga ? Alors, l'adaptation en animé, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est souvent ce qui va booster les ventes d'un manga. On l'a remarqué avec Demon Slayer, avec Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, je peux en citer plein. Dès qu'il y a une adaptation, que ce soit même au cinéma, on a eu ça dernièrement aussi, ça booste directement les ventes. Pas tout le temps, parce qu'il faut une bonne adaptation animée, et pour le coup, ça a été le cas. Parce que du coup, on a Ufotable derrière. Et Ufotable, c'est un studio qui a été créé en 2000, et il est un peu particulier par rapport à tous les autres studios qu'on a, c'est qu'en fait, à la base, il produit quasiment que du jeu vidéo, enfin des adaptations de jeux vidéo, de romans. On peut citer par exemple pour les visual novels Fate Stay Night, Fate Zero pour le roman, Kara no Kyokai, enfin voilà, ils ont vraiment beaucoup de choses comme ça. La série des Tales of aussi, c'est eux qui les adaptent, et ils n'ont jamais adapté un manga. Donc en fait, eux, à la base, ils avaient surtout... ils étaient dans une espèce de sphère où tout le temps, ils adaptaient des choses où il n'y a rien à la base, sauf pour le jeu vidéo. Le visual novel, c'est un espèce de roman interactif. On n'a rien. On a juste du texte qui défile. C'est vraiment ça. Et du coup, ils ont une certaine liberté. Ils ont un style qu'ils ont créé à partir de cette liberté-là, où on a plein de mouvements de caméra dans tous les sens. On suit l'action. C'est hyper fluide. Ça va vraiment partout. Les couleurs sont super jolies, parce que vu qu'ils n'avaient pas de choses à laquelle se tenir visuellement, ils ont dû créer une espèce de... charte graphique. Une charte graphique qui leur est propre. Et du coup, quand ils adaptent Demon Slayer en 2019, c'est ça qu'ils font. Ils mettent leur charte graphique sur Demon Slayer. Du coup, on n'a pas que des plans fixes, même s'il n'y a pas que ça dans l'animation japonaise, bien entendu. Mais en fait, ce qui est hyper agréable dans l'animé, c'est qu'on a une qualité cinéma. On a des risques qui sont pris, une caméra qui bouge dans tous les sens, hyper nerveuse, pas forcément que des plans, etc. Et ça, c'est hyper agréable de la part du Ufotable, qui sont connus pour ça habituellement. Et avec des effets aussi d'estampes japonaises sur les attaques, soit les vagues, soit les flammes qui rappellent... Les vagues qui font penser à des estampes très connues du Japon, la vague de Hokusai, ce genre de choses. Et surtout, on aurait parlé tout à l'heure de la musique, on part avec les openings, les endings, mais surtout la musique, les OST qu'on a, qui sont par Kazuo Layuki, qui a fait énormément d'OST pour ce studio-là. Fate Stay Night, Fate Zero, Kara no Kyokai, pour citer que, et il y en a eu plein d'autres. Elle a une ambiance très sombre qui va super bien avec Demon Slayer, et ça fonctionne d'autant plus parce qu'elle rajoute du coup des sonorités purement japonaises avec des instruments très japonais, du shamisen, ce genre de choses qui se font avec les scènes, etc. Ça rapporte quelque chose. C'est elle qui a écrit les paroles pour Gurenge qu'on a écouté tout à l'heure. C'est vraiment une artiste qui s'investit énormément dedans. Et je pense que c'est ça qui a fait exploser les ventes des tomes. Déjà juste parce qu'il y a un animé, mais en plus parce qu'il était exceptionnel. Et c'est fou de se dire qu'on a pu avoir ça gratuitement au Japon et chez nous sur les plateformes de streaming. Je trouve ça quand même très intéressant justement de comparer l'Attaque des Titans et Demon Slayer, parce que je trouve que dans les deux cas, la série d'animation a apporté quelque chose qui manquait quand même à ces deux récits. C'est quand même une réelle beauté graphique. C'est-à-dire que, bon, je disais, enfin voilà, on en a parlé tout à l'heure, je dis pas que le dessin est moche, mais c'est vrai que ça peut parfois être un frein quand même à un certain lectorat. Et du coup, que ce soit... Il y a encore débat, je suis totalement d'accord. Oui, il y a encore un débat sur la qualité graphique, mais c'est vrai que ce soit dans l'Attaque des Titans, Demon Slayer, ou même donc sur des titres comme Ranking of Kings, dont on a parlé tout à l'heure, c'est vrai que l'adaptation animée apporte vraiment une belle complémentarité, en fait. C'est-à-dire que le récit en lui-même est extrêmement prenant. Je pense que c'est la raison pour laquelle les gens apprécient énormément Demon Slayer, pas juste l'adaptation, mais c'est vrai que ça apporte cette beauté, cet esthétisme. Et c'est vrai, comme tu le disais, sur la mise en scène des techniques, ça magnifie en fait complètement l'œuvre de Gotoge. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que comme l'anime est très réussi et qu'il va remporter l'adhésion du grand public, quand on arrive à la fin d'une saison ou à la fin d'un acte, forcément, le spectateur est laissé sur sa faim. Il dit, mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et du coup, comme l'animé était très réussi, on se dit, bon, je vais passer sur les défauts graphiques que je trouvais au manga initialement, mais je veux voir la suite. Et donc, on lit les tomes qui suivent et on attend que l'adaptation soit refaite. Et en fait, il y a une sorte de passage de relais. Bon, là, les animateurs sont fatigués. Vous les laissez se reposer un petit peu. Vous lisez le manga et ensuite, vous reprendrez. Et il y a une sorte de course de relais qui se fait entre l'animation et le manga qui est assez intéressante. Je voudrais revenir sur deux choses. La première, par rapport à votre question tout à l'heure sur l'adaptation en série animée est-elle un booster pour les ventes de manga. Depuis toujours, quasiment. Il suffit même de revenir à des séries comme Dragon Ball ou Sailor Moon, où à l'époque, Toei faisait en sorte de produire le premier épisode quasiment dans la foulée du premier chapitre. C'est-à-dire que la série animée commençait alors que le premier volume relié n'était pas encore sorti. Et c'était un écran publicitaire gigantesque pour les ventes de manga qui arrivaient derrière. Donc c'est quelque chose que les Japonais ont en tête depuis très longtemps, ce principe de media mix, comme on dit, où un support va aider un autre. Et donc il va toujours y avoir cette espèce de crossover mûrement réfléchi entre le manga, la série animée, le film, le jeu vidéo. Aujourd'hui, on va avoir les comédies musicales en pièces de théâtre, on va avoir les films live. Donc il y a vraiment, tout ça c'est prévu de très très en amont. Et pour ce qui est de l'adaptation animée, on a vraiment, ce même phénomène que l'Attaque des Titans, au sens où, quand l'Attaque des Titans a été produit en dessin animé, Production IG a créé un studio spécialement pour ça, le Studio 8, sa première œuvre, c'est l'Attaque des Titans, et quand on l'a vu, on a tous fait « Waouh !» Enfin voilà, les attaques tridimensionnelles, c'était les manœuvres tridimensionnelles, c'était stupéfiant, on pensait jamais voir ça à l'écran sur une série télé. Et il y a eu tout de suite la qualité qui a été rehaussée d'un cran par rapport aux standards habituels de l'animation japonaise. Et on a exactement le même processus qui se passe avec Demon Slayer. Alors, c'est pas sur des attaques tridimensionnelles, malgré les beaux mouvements de caméra. Je pense que c'est vraiment ces effets d'estampes, ces tissus, les vêtements des personnages qui ont tous des motifs imprimés typiques de l'ère Taisho, justement, qui à l'époque était inimaginable à animer. Aujourd'hui, c'est faisable grâce à Ufotable. Et là encore, ils ont remonté la barre d'un cran. Alors d'aucuns vont dire, oui, parce que graphiquement, les mangas, ils partaient de bas, forcément, ils pouvaient que rehausser. Ils ont vraiment tellement rehaussé la barre qu'ils ont rehaussé les standards de l'animation japonaise à l'heure actuelle. Donc je ne sais pas quelle sera la prochaine série qui aura un tel budget et une telle ambition. Mais après l'Attaque des Titans et après Demon Slayer, ils s'en sortent pas mal, mais c'est pas ça. Ouais, c'est mais Jujutsu, ça reste que c'est un peu techniquement, dans le techniquement parlant, je trouve que Jujutsu Kaisen est inférieur à Demon Slayer. Et là, je parle vraiment juste d'un point de vue technique, qu'on n'aille pas me jeter la pierre. J'attends le prochain. Il suffit de pas lire les commentaires. Le prochain Attaque des Titans ou le prochain Demon Slayer qui va à nouveau tirer toute une industrie vers le haut. Petite Chainsaw Man. J'y crois à mort. J'y crois fort. Non, pour moi, il y a un point qu'on n'a pas évoqué aussi. On a évoqué la musique, mais pour moi, il y a un truc qui a beaucoup fait mon immersion dans cet animé, c'est le sound design. C'est le sound design autour des épées que j'ai trouvé absolument fou. Ils ont tout, enfin, tout était bien fait, même ne serait-ce que n'importe quel bruit qu'on pouvait avoir autour de la neige. Enfin, quand la neige tombe, il n'y a plus un bruit. On entend juste les pas des personnages. Ça a été quelque chose qui, pour le coup, j'ai trouvé très très bien fait et qui te permet la réalisatrice qui est vraiment une obsédée du son, mais vraiment, c'est la première chose qu'elle m'a dit aussi. Ouais. Elle m'a dit le son, il est irréprochable. Et c'est là qu'on sent justement le fait que Ufotable bosse beaucoup avec Type Moon et bosse beaucoup sur les jeux vidéo pour avoir autant poussé le sound design, puisque c'est très très important dans l'univers du jeu vidéo. Et on le retrouve effectivement à des critères inhabituellement poussés dans l'animation. Si je. Juste une dernière chose sur Ufotable, il faut quand même comprendre que lorsqu'on crée un studio d'animation au Japon, il y a plusieurs circuits qui sont possibles. Là, le fondateur du Ufotable est quelqu'un qui est très concerné par la production. Tout de suite, il est passé notamment chez TMS. Donc lorsqu'il crée le studio Ufotable, c'est une petite structure qui est vraiment assez, assez modeste. Par contre, elle arrive très vite à ramener les meilleurs talents autour d'elle. Et ça, c'est un truc qui compte beaucoup. Lorsque vous n'avez pas énormément d'argent, parce qu'ils n'ont pas tout de suite profité d'un énorme budget, c'est le relationnel qui joue. Et Ufotable a su ramener des talents tout de suite très très fort pour faire en sorte que leur production se démarque. Et une dernière chose qui est à prendre en compte avec eux, c'est la lumière de leur production. Ce sont les plus forts. Alors, un studio est composé de... Vous avez un département d'animation, un département de background, les décors, etc. Et eux, pour tout ce qui est ce qu'on appelle le compositing notamment, on arrive à reconnaître une production Ufotable en un plan. vous savez, ce côté un petit peu cendré, ces contrastes qui sont soutenus, ces contours de personnages noirs. Oui. Ça, donc c'est la personne qui s'appelle Terao qui s'en occupe. Et c'est quelqu'un qui a été très fort sur Garden of Sinners, qui était l'une des premières adaptations sur laquelle a bossé UFO Table. Et c'est ce qui fait aujourd'hui l'identité de UFO Table. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un studio qui conserve son identité, c'est quelque chose de très rare au Japon. Maintenant, MAPPA n'a plus d'identité. Ils font 850 trucs à la fois. IG un petit peu moins parce aussi. Parce que MAPPA, il n'y a plus Maruyama qui est parti. Parce que le papy Maruyama n'est plus là. Et pour UFO Table, on va bien voir ce que ça va donner, puisque le patron vient d'être condamné pour évasion fiscale. Fiscale. 3 millions d'euros. Oh, c'est ça rien. Allez. Et donc, il est parti sur 20 mois de prison à l'heure actuelle. D'ailleurs, l'adaptation animée est arrivée 3 ans après le lancement du manga, et ça aussi, c'est pas totalement anodin, ça veut dire qu'ils ont travaillé comme il faut. Ils se sont pas précipités pour vite balancer un truc. Ringo ? Bah juste pour finir sur UFO Table, je reprends ce que tu viens de dire, Bruno. Ce qui est très bien, en fait, c'est que eux, leur studio, en fait, ils respirent. C'est pas comme MAPPA ou d'autres, Cloverworks. Enfin, voilà, je peux citer plein de studios qui. On a entendu des trucs aussi, UFO. Hein. Je dis pas que c'est la cour de récréation non plus. C'est, aucun, je pense. Hein. Honnêtement, il y a un petit scandale il y a pas très longtemps, et ça arrive de plus en plus où des réalisateurs, des animateurs se plaignent de la charge de travail. Mais comparé à d'autres, en fait, il y a quand même moins de charges sur eux. Ils ont fait peu, mais bien, désolé Ringo. Oui, ils ont plutôt pensé à faire peu, mais des bonnes productions presque. Exactement. En plus, j'ai oublié de dire ça, mais un des éléments phares du UFO Table, c'est qu'ils n'ont pas sous-traité leur épisode. C'est-à-dire que vous en faites 12 au studio, puis il y en a 2 qui sont sous-traités en Corée, puis 2 autres au Japon, parce que ça coûte moins cher. La première série de UFO Table, leur vraie première série, ils ont tout traité à la maison. Et pour Demon Slayer, c'est l'essentiel aussi. Et ça compte parce que tu contrôles tout, la qualité, les maisons, tu regardes toutes les étapes de production, donc ça compte. Pardon, désolé Ringo. Non, pas de soucis, c'était donc très Ringo, important. Donc Ringo, il n'y a pas de phénomène de burn-out Il y en a quand même parce que c'est pas le paradis non plus. Ça reste un studio d'animation. Ça reste un studio d'animation, mais ils prennent très peu de projets. Là, ils viennent de finir, il y a 2 ans, Fate/stay night Evansville, qui est comme, ça fait partie de Fate, c'est leur plus grosse... immense au Japon, en fait. Ouais, c'est vraiment leur plus grosse saga, et après Fate Grand Order, etc., c'est passé sur un autre studio comme Cloverworks. Mais ils restent sur des projets, ils vont pas acheter plein de mangas tout adaptés, Chainsaw Man, je veux ça, je veux ça. Non, ils restent sur, on est sur Demon Slayer, il y a d'autres trucs qui arrivent qui n'ont pas été encore annoncés, mais bon, ils sont quand même sur d'autres choses. Mais ils restent du coup sur Demon Slayer, ils travaillent toujours avec Type Moon parce que c'est leur plus gros partenariat, c'est Type Moon. Là, ils sont sur Tsukihime, l'adaptation, etc. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui arrivent, mais quand même, niveau manga, ils restent sur Demon Slayer, et une fois que ce sera fini, peut-être qu'ils passeront à autre chose. Mais c'est ça du coup qui est très intéressant chez eux, c'est qu'ils restent sur un projet pour un manga et d'autres trucs quand même à côté parce qu'ils font plusieurs choses à la fois. Mais c'est pas plein de choses qu'on adapte, qu'on fait, etc. Et c'est ça la force du UFO Table, en plus de leur intelligence. Juste pour revenir sur le film, ça a été très intelligent de leur part de faire Le Train de l'Infini en film pour pousser les gens à aller voir ça. Et c'est un truc que beaucoup reprennent derrière. On va avoir le film Jujutsu Kaisen Zero, le film Black Clover qui reprend la suite, etc., qui pousse les gens à aller voir les films. Et c'est quelque chose de très intelligent qu'ils ont réussi à faire, pardon. Et d'autres, du coup, vont prendre ce concept-là pour pousser les gens à aller voir les films, parce que quand c'est des hors-série, tout le monde n'est pas et au rendez-vous. On peut aller dans leur café aussi. Ils ont des cafés UFO Table. Aniplex, voilà. Etc. Ouais. Mon nom est Haganezuka. Kamado Tanjiro no katana. J'ai terminé le katana de Kamado Tanjiro, et donc je viens le lui apporter. Oh, bienvenue. Ah non, c'est moi. Kamado Tanjiro. Je suis Kamado Tanjiro, enchanté. Nakae, entrez. Voici ton sabre du soleil. C'est moi qui te l'ai forgé. Ah non, entrez. Vous n'avez pas envie d'un thé bien chaud? Les matières premières pour le créer viennent toutes de la montagne la plus proche du soleil. Le sable d'écarlate et les pépites d'écarlate sont les éléments principaux pour former un métal qui absorbe la lumière du soleil. Oui, d'accord. Le mont Yoko baigne en permanence dans la lumière du soleil. C'est un lieu unique où jamais il n'y a de... Haganezuka n'a pas changé. Il est toujours incapable d'écouter les autres. C'est quoi cette tête? Vas-y, sors-le de son fourreau. Les sabres du soleil sont aussi appelés sabres à couleur changeante. Leur spécificité, c'est que la lame change de couleur en fonction de leur propriétaire. Ah, c'est horrible, mais... Qu'est-ce qu'on dit? C'est horrible. Il y a Vitel qui a un problème avec la VF. J'avoue que j'ai un tout petit peu du mal. Je préfère tellement les voix VO. Ah, mais c'est parce qu'on a l'habitude. Et attention, non. Moi, je suis très très fan des VF. Hein. J'aime vraiment beaucoup les VF sur la plupart des animés. Mais là, j'avoue que j'ai un petit problème sur celle-ci. Bon, alors voilà, si jamais vous avez travaillé sur ce studio de doublage, voilà, Bitel est à votre disposition, vous pouvez discuter avec lui, je vous mettrai en relation, n'hésitez pas, plaisir de prier. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Clémence Dino, oui. Est-ce qu'il y a une véritable différence d'écriture dans un shonen suivant que l'on est un auteur ou une autrice? Question difficile là quand même. Parce qu'on a évoqué Full Metal Alchemist, mm-hmm. on peut repenser à Ranma 1/2, on peut penser à Promised Neverland, là Demon Slayer. Est-ce que c'est si significatif que ça soit une femme à l'écriture ou non? Non, pas forcément. On l'a bien vu, il y a énormément de shonen, donc ces récits réservés à l'origine plutôt pour les jeunes garçons qui ont été écrits par des femmes. Effectivement, Full Metal Alchemist étant peut-être le plus connu aussi. Mais après, on va pas non plus dire que Demon Slayer est un récit profondément féministe non plus. C'est vrai que dans les figures féminines qu'on retrouve dans l'histoire, c'est soit elles sont mignonnes, soit elles ont une forte poitrine, elles sont habillées de rose. Enfin, on est quand même dans un schéma extrêmement classique, ne serait-ce que... Oui, on reste au Japon. Voilà, les deux piliers femmes sont parmi les plus faibles. Et puis, le pilier de l'amour, par exemple, la première fois qu'on la rencontre, donc on voit son énorme poitrine. Elle arrive, elle dit qu'elle cherche l'amour, elle est à moitié nue. En fait, la première fois qu'on la voit, peut-être la deuxième fois où on la voit. Donc voilà, on n'est pas non plus dans un récit extrêmement progressiste d'un point de vue féminin, mais c'est sûr que les autrices ont une sensibilité particulière. On peut imaginer que effectivement le personnage principal, le fait qu'il ait cette personnalité si touchante, vient peut-être de sa sensibilité de femme. Bingo. Moi, pour les autrices, j'ai l'impression que très souvent, quand elles font autre chose que de la romance, elles sont souvent dans des univers très sombres. Je pense par exemple à Hoshino, qui est toujours sur Digraman, qui était dans le Jump à l'époque. Elle a un univers très sombre. Et c'est un peu pareil avec Demon Slayer et Goto Oge, qui a aussi un univers assez dark, qui vient déjà de leur Taisho, dont on parlera un peu plus tard. C'est quelque chose d'assez récurrent. Et je trouve que ce qui fonctionne bien avec elle, c'est le design des personnages, surtout des personnages masculins. Parce que comme tout à l'heure disait Mathieu, ce qui fait énormément vendre, ce sont les produits dérivés. Et un produit dérivé au Japon, c'est essentiellement acheté par des femmes. C'est elles qui vont acheter les pins, c'est elles qui vont acheter les figurines, les espèces de trucs pour mettre les papiers, etc. Pour être allé au Japon et pour en avoir acheté aussi, c'est des trucs qui fonctionnent. Et du coup... Qu'est-ce qui va faire qu'on va acheter tel personnage ou tel personnage? C'est son design principalement et aussi après son caractère, etc. Mais il faut que le personnage soit beau. C'est pour ça que la plupart du temps, on a des beaux gosses ou des femmes très jolies dans les mangas, mais surtout des hommes très beaux, parce qu'il faut pousser le consommateur à aller acheter la figurine, à aller acheter ceci, à se cosplayer, etc. Il faut que le design soit particulier, il faut qu'il ait une coupe de cheveux différente. L'éditeur, il est bien là pour ça. Ah oui, bien sûr. Il est là pour l'aiguiller, justement. Parce que derrière, il faut aller remplir les Animate, une boutique au Japon très célèbre pour les goodies, pour que les femmes puissent aller acheter. Parce que les garçons achètent beaucoup moins, même s'ils achètent quand même quelques petits trucs, mais c'est sur d'autres licences plutôt, comme disons sur des idols, genre de choses. Et du coup, pour les shonen, il faut plus qu'il y ait des garçons plutôt beaux, etc., ou alors des filles avec un certain design pour pousser le consommateur à aller acheter du coup ça. Avec des seiyuu aussi, avec les seiyuu qui fonctionnent du coup, qui arrivent à attirer des fanbases. Les seiyuu étant les comédiens et comédiennes de doublage. Et c'est des véritables stars au Japon. Il y a des magazines sur eux, ils ont des séances de photos, ils ont des chaînes YouTube. C'est vraiment, il y a des stages, comme on dit, des espèces de scènes où on voit les seiyuu incarner les différents personnages. Il y a des milliers de personnes qui sont là, principalement des femmes d'ailleurs, pour du coup glorifier ces doubleurs. Et ça, c'est ce qui fait aussi partie complètement de ces personnages-là, pourquoi on les aime, etc. Alors, je pense que si on doit trouver une patte féminine, ce serait dans le développement de la personnalité des personnages, parce que très généralement, dans le shonen, on va avoir des personnages assez monolithiques. Quand on va prendre des séries comme notamment Senseiya, chacun des personnages représente une facette de la personnalité des adolescents et il va être comme ça jusqu'au bout. Il va pas changer. Là, on l'a dit, on a des personnages qui sont pas forcément ambigus, mais qui peuvent être contradictoires. Ne serait-ce que Zenitsu, qui d'un côté est très chouineur, de l'autre côté est extrêmement puissant. Tanjiro, qui est quelqu'un qui a une boule d'empathie et qui, au bout d'un moment, va commencer à avoir des envies de revanche. Nezuko, qui est à la fois, il faut protéger parce qu'elle est contaminée, mais qui se retrouve très plus souvent à protéger son frère. Donc il y a tout ça. Mais néanmoins, c'est vrai que plus l'histoire avance, et là je pense que plus l'éditeur du Shonen Jump a pris le devant, quand on arrive au niveau des piliers, là on est dans le Shonen. Chaque pilier c'est vraiment un trait de personnalité et qui n'en dévira pas. Donc je pense vraiment que le côté féminin se ressent là-dedans, mais qu'il peut se retrouver bridé par l'éditeur qui lui rappelle que, et dis donc, dessine pour un magazine pour garçons, il y a des conditions qu'on ne doit pas oublier. Clémence Dino. Pour rebondir sur l'éditeur, justement, et ce qu'il a apporté à l'œuvre, pour l'anecdote, par exemple, les boucles d'oreilles et la cicatrice de Tanjiro, en fait, c'est lui qui a poussé un petit peu Gotoge à les mettre, enfin, pour donner un peu ce rajouter. Que c'est, voilà, rajouter quelque chose sur le personnage. Pour le dépareiller un petit peu, parce qu'il y a une forme de simplicité. Et... Comme quoi, finalement, d'ailleurs, ce sont des éléments qui vont avoir énormément d'importance hein, dans l'intrigue ensuite. Mais c'est marrant comme on voit justement cette réflexion de l'éditeur, de comment on rend son personnage unique et peut-être métier, donc ensuite hein. vendable. Et c'est vrai que le design des caractères de Demon Slayer est quand même extrêmement bien réussi, de mon point de vue. Je trouve qu'il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui est, je trouve, qui est une femme d'ailleurs, qui est le deuxième pilier dont tu parles, qui est Shinobu, que je trouve, pour le coup, qui est très peu sexualisé. C'est quelqu'un qui est même très renfermé. Tout est fermé, on ne voit rien, et justement, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une femme qui est vraiment là pour te dire, je fais mon travail et laisse-moi tranquille. Et elle va avoir une importance assez importante dans le manga à terme. C'est son arc est vraiment très intéressant, et je trouve que c'est important de le notifier parce que c'est un très bon personnage qui je trouve change pas mal de choses au niveau du code justement qu'on peut avoir des femmes dans un shonen justement vis-à-vis du pilier de l'amour. Oui. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, tu touches la corde sensible parce que c'est un de mes personnages préférés. Moi aussi. Et peut-être qu'on pourra en revenir après, mais c'est vrai que elle a une dualité qui est incroyable entre la guérisseuse, on va dire, et l'empoisonneuse, avec aussi ce sourire qu'elle porte toujours sur le visage. Oui, d'ailleurs. Mais avec sa colère immense qu'elle a. Elle donne l'impression d'être la plus impitoyable des. Ah, mais totalement. Elle est totalement la plus impitoyable. Pour moi, d'ailleurs, elle représente même la haine que peuvent vouer les humains. Au démon, ouais. C'est-à-dire celle qui l'incarne peut-être le plus, quand Tanjiro, au contraire, est plutôt celui qui va essayer de chercher à comprendre les démons. Et d'ailleurs, on voit que peut-être une des seules différences entre les deux, c'est que Tanjiro a toujours sa sœur qui doit protéger, alors que Shinobu a perdu sa grande sœur. Et du coup, n'est laissé qu'avec sa haine et son désir de vengeance. Enfin bon, bref, donc je te rejoins parfaitement. J'adore ce personnage et effectivement, il a beaucoup de complexité par rapport, je trouve, à d'autres personnages féminins. Malheureusement, le pilier de l'amour empathie un petit peu. Comme il n'y en a pas beaucoup, en fait, des personnages féminins, forcément, c'est facile de tous les mettre dans le même panier. Et alors là, Mathieu Pinon va être content, parce que Demon Slayer se déroule durant l'ère Taisho, une époque assez peu visitée où le Japon se trouve entre une occidentalisation progressive et un traditionnalisme shinto qui est encore assez présent. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette époque et du choix de Gotoge, qui a un choix très intelligent, de placer l'intrigue de Demon Slayer durant cette période? Alors c'est effectivement une période qui est très intéressante, ne serait-ce que de par sa brièveté, puisque c'est 15 ans, 1912-1926, et on est après l'ère Meiji. Et alors, pour bien remettre les choses dans le contexte, il faut même remonter à ce qu'on appelle l'époque Edo, donc de 1603 à 1868, le Japon est fermé à l'étranger. Il y a juste le port de Nagasaki qui est vaguement ouvert aux commerçants hollandais, mais sinon, on est au Japon, le monde étranger est complètement occulté. Et donc, avec l'empereur Meiji, il va y avoir cette ouverture au monde. Et l'ère Meiji date de 1868 à 1912. Et juste après, on va avoir donc cette ère Taisho, qui est très très courte, parce que l'empereur avait une santé déclinante, donc il est resté seulement 15 ans sur le trône avant de mourir. Et on va avoir d'un côté le progressisme Meiji, qui est encore en train de se mettre en place. C'est-à-dire que par exemple, sur 1925, que le suffrage universel masculin, vive le Japon, se met en place. Donc il y a vraiment ce côté de démocratisation qui arrive. Et d'un autre côté, il y a une véritable montée militaire. Donc c'est pour ça qu'on va se retrouver à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale avec le militarisme japonais qui a autant pris de place. Et ne serait-ce que pendant la Première Guerre mondiale, le Japon va faire de l'expansion colonialiste en Mandchourie, beaucoup sur l'Asie continentale. Première Guerre mondiale, le Japon, ce coup-ci, il a misé sur le bon cheval, il fait partie des gagnants. Il arrive dans le top 5 des pays à l'échelle internationale. Donc il y a vraiment ce développement qui arrive. Et d'un autre côté, il y a les grosses crises financières au niveau du petit peuple qui commence à se démocratiser, à qui on dit tu peux avoir le droit de vente, mais par contre t'auras pas de pognon parce que il faut financer l'armée. Ce qu'on ressent totalement avec le personnage de Tanjiro qui doit aller chercher du charbon. Enfin, il va littéralement au charbon. Oui, il est pauvre. Voilà, il est pauvre. Il descend de sa montagne avec les bouts de charbon qu'il a récolté dans sa petite mine pour les vendre 3 francs 6 sous avant de remonter, se taper tout le trajet pour retrouver sa famille. Donc il y a ce côté très très pauvre. Il y a tout un arc dans le quartier des plaisirs. C'est pas pour rien. Là aussi, c'est quelque chose où on se rend compte qu'on est dans une phase où on parle vraiment du petit peuple, Parlant. Où les femmes sont vendues, exploitées dans et les donc, maisons... Et donc, c'est une période qui est très souvent complètement occultée par l'animation, parce que l'armée Eiji est super glorieuse, il y a ce côté démocratisation. Ensuite, on va avoir l'ère contemporaine, éventuellement l'ère Showa, avec la guerre qui n'était pas super cool, ou alors le boom des années 80-90, des séries comme Nicky Larson, où on est dans un Japon super riche, avec des hommes d'affaires frauduleux, en veux-tu, en voilà. Mais l'ère Taisho, on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, justement, dans Demon Slayer, c'est de voir que le personnage de grand, grand méchant, qui est Muzan Kibutsuji, il est looké comme un occidental. Oui. Tout le monde est en kimono, avec des tenues traditionnelles, et il y a un mec qui est habillé, bon, c'est Michael Jackson, hein, c'est Michael Jackson, et qui est à l'occidental, et c'est vraiment lui l'antagoniste principal. Et donc, il y a ce côté, ça fait à peine un siècle qu'on est ouvert au monde extérieur. Il y a des bonnes choses qu'on a récupérées, comme le système démocratique, mais il y a des trucs qui puent un petit peu. Et c'est très, très intéressant, justement, que Demon Slayer se passe pendant cette période très tourmentée et très, très courte, qui était jusqu'ici complètement occultée par la production. Il y a aussi les Oni, dont on n'a pas encore parlé, qui... On le découvre au fur et à mesure du manga, sont aussi des victimes et qui, à bien des égards, auraient pu être des piliers ou des pourfendeurs dans d'autres circonstances. Il y a un choix qui a été fait à certains moments. Beetle n'a pas l'air d'accord, hein. Je le décris aux auditeurs. Il dodeline. C'est lui qui fait passer les examens des piliers, c'est lui. Je trouve que c'est peut-être un petit peu simple sur cet aspect-là. Ah, il dodeline et en plus il dit que je dis des trucs simples. Non. Là, suis à un degré de frustration et de colère intérieure qui est abyssal. continue. Je pense que ce qui fait là, comme on l'a dit au début de l'émission, c'est vraiment ce côté où Tanjiro va essayer de comprendre les démons et on va voir pourquoi ils sont devenus démons. Et généralement, quand tu vois le passé, il est très peu glorieux quand même. C'est de base des personnes qui font quand même de mauvaises choses et qui sont orientées déjà de base vers le mal. Donc pour moi, je les vois mal devenir piliers. Il y a le contexte qui a joué beaucoup aussi. Bien sûr, mais du coup, je les vois mal devenir. Je les vois très très mal devenir piliers, honnêtement. Oui, piliers, c'était peut-être. Oui, non, mais c'est vrai. Je suis d'accord, mais je couperai quand même ce passage. Et non, on va garder évidemment. Et donc, est-ce que les Oni sont des victimes ou des bourreaux dans Demon Slayer? Un peu des deux au final. Hein. On a certains qui sont vraiment voués à tuer, qui ont envie de tuer, qui ne servent limite que pour ça, et d'autres qui vont avoir, par exemple dans la dernière saison, on va quand même avoir un duo frère-sœur où on va avoir un frère qui est beaucoup plus protecteur vis-à-vis de sa sœur, qui n'est là pour tuer. Il est plus là pour faire du mal à ceux qui font du mal à sa sœur. Donc on a quand même certains qui vont avoir une petite part... D'ailleurs, il y a un effet miroir avec Tanjiro et Nezuko. Tout à fait. Donc on va avoir c'est quand même certaines dualités qui vont être présentes. Mais quand on regarde la plupart des démons auxquels Tanjiro a été confronté à chaque fois, quand même des belles machines à tuer, quoi. Pour ce qui est des lunes supérieures, je trouve que, d'ailleurs, c'est vraiment que mon point de vue, hein, mais je les trouve vraiment très très bien écrites et parfois... plus que les histoires des piliers même, parfois. Bon, forcément, là, comment dire, dans les dernières phases aussi du manga, on va en savoir beaucoup plus, un peu, sur tous ces personnages-là. Mais sur la première, la deuxième lune, troisième lune supérieure, vraiment, ils ont tous, alors pas tous, hein, mais vraiment la grande majorité, ont une histoire extrêmement marquante. Et justement... qui est souvent terrible. C'est-à-dire que, bon, après, il y a des psychopathes, hein, comme partout. Mais il en faut. En tout cas, pour Gyotaro, qu'on a vu justement dans la deuxième saison, on comprend qu'il a vécu une vie de misère, qu'il n'a jamais eu aucune chance en fait dans sa vie. Et c'est pour ça aussi que le personnage de Tanjiro, quand il va le voir et quand il va essayer de les faire se réconcilier à la fin, c'est parce qu'il comprend ça aussi. C'est-à-dire, il est capable de comprendre que oui, bah, en fait, c'est pas des bonnes personnes. Hein, clairement, elles tuent certainement un peu pour le plaisir aussi. Mais ça. Enfin, je vais pas dire ça se justifie, mais en tout cas il y a une explication à ça, c'est-à-dire qu'il y a une tristesse, il y a une... Oui, on ne justifie pas mais on comprend on pourquoi comprend, ils exactement. Sont devenus comme... Et on le disait, on montre aussi les bas quartiers, on montre la pauvreté en fait de cette population, et c'est quasiment toujours ces personnes-là qui se transforment en démons, c'est-à-dire des personnes qui avaient rien, et pour avoir quelque chose ils se sont transformés en monstres. Et il y a aussi de cette organisation des pourfendeurs, parce qu'il y a toute une mythologie dans Demon Slayer dont on n'a pas assez parlé, mais qui est assez précise, c'est-à-dire avec les sabres qui peuvent avoir différentes couleurs, les corbeaux qui parlent et qui transmettent des missions. Il y a l'organisation des piliers au-dessus, mais dessous il y a les pourfendeurs de base, et de l'autre côté il y a effectivement ces démons avec les lunes supérieures qui ont des pupilles qui marquent le numéro. En fonction d'une sorte de classement qui n'arrête pas de bouger. Le démon qui a consommé le plus de chair humaine devient de plus en plus puissant et gravit les échelons. Tout ça pour satisfaire les besoins de Muzan, Michael Jackson, voilà, qui les a lancés dans une compétition interne. Donc c'est vrai que ces éléments de mythologie interne à la série sont aussi très très intéressants, Ringo. Bah, je trouve aussi c'est très intéressant, et déjà c'est aussi hyper classique malgré tout. Par exemple, pour revenir sur les piliers, c'est un truc qu'on a déjà vu dans Bleach par exemple, les capitaines, genre de choses, c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent. Les maisons du Zodiac dans Saint Seiya. Voilà, exactement, c'est des trucs qu'on retrouve très souvent. Mais pour tout ce qui est de ces petits éléments, le corbeau, etc., c'est des trucs qui sont très attachés au Japon, déjà dans le shintoïsme, dans la mythologie japonaise, etc. Et comme on l'a dit, c'est dans l'ère Taisho, donc les Japonais, encore aujourd'hui, ils sont toujours attachés aux traditions. Mais à l'époque, c'était encore pire. On sortait à peine de Meiji avec le commandant Perry qui arrivait avec ses bateaux noirs, etc. Et du coup, ils sont toujours très attachés. Et c'est une période extrêmement importante aussi sur le plan culturel, parce que c'est la Première Guerre mondiale. C'est des œuvres qu'on a en tête, comme le Tombeau des Lucioles, genre de choses, où on est sur les deux guerres mondiales. Enfin voilà, c'est des trucs assez tragiques. Et c'est une symbolique qui est très importante pour les Japonais. Le corbeau... Le lac des Cygnes, effectivement. Le lac des Cygnes, c'est... Le lac des Cygnes, oui. C'est peut-être important pour les Japonais, mais... Il y a des oiseaux aussi dans le lac des Cygnes. Ça aide. Oui, la glycine, excuse-moi, je te donne la parole juste après. C'est des trucs qui sont très importants, et dans le motif qu'il y a sur les personnages, etc., c'est des motifs qui existent vraiment au Japon. C'est des choses qui sont dans le commun du Japon. Tout ce qui est mon, les mon, c'est les symboles qu'on avait à l'époque Sengoku, pour chaque clan, etc. C'est des trucs qu'on retrouve énormément dans Demon Slayer, et c'est des choses extrêmement importantes, juste comme vous disiez, les chiffres dans les yeux. Les chiffres ont une symbolique extrêmement importante au Japon, notamment le chiffre 4 et le chiffre 7. Le 4 qui est le chiffre de la mort, donc extrêmement mal vu, et le chiffre 7, c'est le chiffre du bonheur. Donc même au niveau de ce genre de choses... Vous dites ça parce que je suis en 77. Ah bah c'est très très très chanceux alors. Moi je suis dans 97, donc ça joue bien aussi. À moitié chanceux. Ça va, 9 c'est pas 4. Et du coup c'est des choses qui sont très très importantes au Japon et qui sont retranscrits dans Demon Slayer, et c'est hyper important aussi au niveau des lunes supérieures, parce que même la lune c'est un truc extrêmement important au Japon. C'est un symbole qui est très fort, et qui est fort aussi pour nous en Occident. Il y a la légende Tsukuyomi aussi. Exactement, aussi il y a Demon Slayer. Il y a plein de choses comme ça, plein de légendes qui sont reprises, que ce soit au niveau de Tsukuyomi, comme tu les, même de les dire. Masques de Tengu, les légendes de Tengu, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste que je connais pas la liste par cœur, mais dans notre numéro d'Animeland dédié à Demon Slayer, on fait la liste en fait de tous ces démons et comment est-ce qu'ils sont pris et modifiés d'une certaine manière, parce que ce n'est pas une adaptation pure et dure, il y a toujours des petites variantes, des petites ressort humoristique aussi par moment. Donc comment est-ce qu'on prend un modèle, on le tord pour essayer d'en faire une nouvelle forme. Désolé. C'est ça qui est intéressant, c'est que habituellement on a les oni comme on les connaît dans plein de mangas, avec les kappas, ce genre de choses, ou alors on a les yokai, et là on n'est pas du tout dans ça. On prend un peu, on pioche à droite à gauche, et elle s'approprie en fait, Gotoge, cet univers pour en faire quelque chose de nouveau. Elle prend pas bêtement un oni et on se bat contre un oni, c'est en fait on va le prendre, on va le mettre dans un corps d'humain, enfin un humain se transforme en oni, et c'est quelque chose de très intéressant, de très frais, plutôt que de juste prendre des morceaux de la culture japonaise, nous les balancer ouais. et nous dire... Ils en ont lu 1500 fois des récits, enfin des récits comme ça, il y en a une tonne, donc c'est comment réussir à voilà, se démarquer un tout petit peu, alors que après Demon Slayer, c'est pas le récit le plus original, avec toujours des idées incroyables, mais par contre c'est toujours bien fait, intelligent, didactique, on comprend, c'est clair, on a la référence. Et je crois que la plupart des titres qui marchent bien, ce sont des succès que l'on comprend, ce sont des récits que l'on comprend. Oui, il y a une lisibilité, ça, rafraîchissante. C'est sûr et certain. Oui. Son éditeur, à chaque fois qu'il en parle, il dit toujours ça. Il faut que ce soit lisible, qu'on puisse comprendre, pas trop noir, parce que Gutuge, apparemment, c'était quelqu'un qui mettait pas une tonne d'humour dans ses récits. Donc lui, il a ajouté un petit peu ça. Donc ça touche aussi l'écriture des persos, ou les oni, ou les légendes. Clémence Dino. C'est intéressant justement parce que dans le one-shot dont elle s'est inspirée justement pour écrire Demon Slayer, qui s'appelle Kagalinari, on retrouve énormément de ses codes déjà, que ce soit le corbeau, que ce soit la lame. Alors après, forcément, le personnage principal, comme tu le disais, était extrêmement noir, très violent. Enfin, on sentait qu'il y avait énormément de violence, très peu d'humour. Alors que justement, dans Demon Slayer, ce qui fait aussi la force de ce récit, c'est le ton. Ces petites phrases d'humour, ces petites séquences humoristiques qui passent extrêmement bien, ton, complètement, dans des scènes quand même parfois tragiques, vraiment très difficiles. Et il y a ce petit trait d'humour, mais qui fonctionne très bien. C'est quand même... C'est pas guignolesque. Non, et c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire ça quand même. Quand on voit Inosuke qui débarque dans une scène et qui te hurle qu'il va faire une charge, t'es surpris, mais qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, il y a quand même des morts actuellement. Et lui, il est en train de hurler qu'il va faire des charges d'animaux. Enfin, et moi, je pense que le trio est très bien fait pour ça. On va avoir Tanjiro qui, pour le coup, ne va pas tant faire rire que ça. Alors que Zenitsu et Inosuke, c'est quand même beaucoup plus propice. C'est pas un clown. Tanjiro, c'est pas du tout un clown. Hein. C'est quelqu'un, même, je pense, de très sage, qui est très posé. Mais d'ailleurs, je pense que, de mémoire, j'ai rarement vu un manga, et même un animé, avec une telle introspection du personnage, mais qui est quasi permanente. C'est-à-dire que... vraiment, il n'y a pas une once de ses pensées qui n'apparaissent pas, qui ne sont pas entendues par le spectateur. D'ailleurs, c'est un narrateur du manga. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas totalement commun non plus, surtout si on parle du Jump. Et puis, on parlait de trio tout à l'heure, il y a cette complémentarité autour des sens, que ce soit l'odorat, la vue, etc. Donc, ces lignes de faiblesse qu'il voit apparaître quand il combat, et tout d'un coup, il voit un fil et il dit là, c'est son point faible. Et il y a vraiment. Il y a une psychanalyse de Tanjiro qui est permanente. C'est assez marrant ce que tu dis sur les sens, parce qu'effectivement, moi, je ne le savais pas, mais je l'ai découvert tardivement dans ma lecture, qu'effectivement, les cinq personnages qui passent l'examen d'entrée, en fait, sont chacun caractérisés par un sens. Donc forcément, Tanjiro, c'est l'odorat, Zenitsu, c'est le sens du toucher, le goût pour donc Genya, qu'on connaît encore assez peu, la vue pour Kanao, et pour Zenitsu, bien sûr, Louis. Et je trouve ça assez marrant, ce petit easter egg un peu. Parce que si tu te poses pas la question, tu le vois pas forcément. Parce que normalement, un protagoniste principal, surtout si on parle du Jump, on est toujours dans un récit où il va affronter, il devient ce qu'il affronte. Par exemple, on prend quelqu'un comme Ichigo, il devient un dieu de la mort pour en affronter d'autres, par exemple. C'est pas dans le Jump, mais Eren devient un titan pour affronter des titans. Goku, c'est un Saiyan, au final, il affronte d'autres Saiyans. Donc il devient toujours, alors que là, il a cette petite particularité, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire de son odorat au final ? Et ça le, à côté des autres, il n'est pas plus chanceux, il hérite pas de l'item incroyable. Donc c'est plus par son ciboulot, son approche, d'être quand même plutôt intelligent, méfiant. Et puis même, je pense que c'est même pas forcément au final le plus puissant de son groupe, en tout cas pendant une très grosse partie du manga. Alors que d'habitude, justement, on a quand même ce protagoniste qui va être beaucoup plus rapidement le plus fort du groupe, qui va avoir plus de technique. A priori, Nezuko commence beaucoup plus haut. Elle est dans la zone grise. Mais oui, c'est ça. Elle représente à la fois l'épée de Damoclès, l'espoir. C'est un peu, on parlait de Senseiya tout à l'heure, Senseiya se trimballe son armure. Elle se trimballe cette épée de Damoclès. Ça peut virer de tous les côtés, tantôt m'attaquer. Donc voilà, il y a cette empathie, nous, qu'on a par rapport à ça. C'est qu'il se farcit quand même ce fardeau tout le temps avec lui sur les épaules. Mais pour ça, c'est un perso assez attachant. Qui est quand même une trouvaille scénaristique assez, assez forte, je trouve. Enfin, d'imaginer qu'il va porter sa sœur dans son sac. Sa sœur qui ratisse. Oui, qui ratisse pour rentrer dans la boîte. Je sais pas. Une trouvaille scénaristique que je trouve assez fascinante, personnellement. Bah, c'est une quête, ça s'inscrit dans ces quêtes personnelles où on n'est pas le héros de la Terre, on n'est pas dans le héros de l'univers. C'est un petit peu aussi à la mode. Hein. Alors, dans des systèmes plus parodiques comme Saitama de One Punch Man, lui, il ne voulait pas sauver le monde. Lui, après, il veut faire ses petites affaires, aller acheter ses courgettes, etc. Il a fait trop, etc. Lui, il a fait trop de pompes. Mais voilà, mais ça dit autre chose aussi. Oui, c'est-à-dire que parce que Saitama, c'est aussi sur l'ennui. On est sur une parodie, donc oui, c'est fait pour prendre un autre contre-pied. Mais on n'est pas dans « je veux être le meilleur des autres ». Ce n'est pas une quête, je veux être plus fort que les autres. Alors, on arrive à la fin de cette émission, mais j'aimerais poser une dernière question, parce qu'il y a un sujet encore qu'on n'a pas abordé, c'est que Demon Slayer a été adapté en jeu vidéo par CyberConnect, qui, logiquement, avait un savoir-faire dans l'adaptation de manga, parce qu'ils avaient déjà brillé sur Naruto. Et on l'a dit, Ufotable avait l'habitude de travailler aussi sur des adaptations de jeux vidéo. Et pourtant, le jeu n'a pas été si bien reçu que ça. J'ai des raisons personnelles de savoir pourquoi, mais j'aimerais vous poser la question. Comment ça se fait que ça n'a pas aussi bien marché que ça aurait pu, ou que ça aurait dû ? Parce qu'on a des personnages formidables, on a des couleurs chatoyantes, des techniques qui sont déjà... et un studio qui en plus sait faire. Beatle, pourquoi ? Alors, déjà, tu as bien fait de parler de Naruto, parce que tous les Naruto Ultimate Ninja Storm sont pour moi des très bonnes itérations. Ils ont fait beaucoup pour la licence Naruto à travers le jeu vidéo, et on s'en rend pas forcément compte, parce que c'est des gens qui... on est un public qui connaît beaucoup Naruto, donc on s'en rend pas forcément compte, mais le travail qui a été fait pour rendre les scènes plus dynamiques, apporter plus de sens, les scènes cachées qu'on peut débloquer à travers les QTE, enfin, il y a beaucoup de choses qui font que les jeux sont bons et permettent une meilleure compréhension de Naruto sur certains aspects. Le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'on mange cette formule-là, et qu'elle est arrivée sur Demon Slayer, et que en fait, tout le monde est en mode, c'est un jeu Naruto avec Demon Slayer, est-ce que j'en ai besoin ? Non. Et c'est pour moi... Le principal problème de ce jeu, c'est que c'est quelque chose dont les gens n'avaient pas besoin, parce que l'œuvre est suffisamment simple. Puis il cible personne, le jeu. Oui, il cible... La force, par exemple, de Dragon Ball FighterZ, qui est développé par Arxis, c'est qu'à la fois, si tu as bidon en versus, tu peux quand même te dépatouiller parce que c'est de l'auto-combo, ça va. Mais après, si tu veux pousser un peu plus loin, il y a des ressorts de gameplay où c'est grisant, c'est prenant. Et ce jeu de combat ne sera dans aucun tournoi. Donc après, c'est pas d'être insultant de dire que c'est une formule un petit peu au rabais qu'on a, malheureusement. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est une formule qui... au-delà d'être au rabais, est trop utilisé. On l'a trop vu. Et je pense que aujourd'hui, dans la tête, c'est trop connecté à Naruto. Oui. Et en fait, le jeu Naruto embellissait l'animé d'origine, alors que comme Demon Slayer était déjà très très haut, il n'y a pas vraiment eu de plus-value. Et d'autant plus que comme Demon Slayer est une licence qui touche beaucoup de monde, pour pouvoir vendre le plus de galettes, le jeu a été développé aussi sur PS4, donc... C'est pas un foudre de guerre technique là où tout le monde attend. Mais beaucoup attendent ça aussi d'un jeu vidéo. Ça a pu peut-être le desservir. Ce que les gens attendent surtout, c'est un gameplay léché sur ce genre de choses-là. Sur un jeu de combat, ce que tu attends, c'est pas forcément les graphismes. Sur un jeu de Demon Slayer. Alors oui, mais c'est quand même vendu comme un jeu de combat à la base. Regarde My Hero Academia, on s'est farci de jeux de combat qui sont mauvais. Infect. Et encore une fois, c'est plus ou moins la même formule par CyberConnect. Donc c'est juste que aujourd'hui ce genre-là est trop collé à Naruto et que c'est très compliqué de l'enlever. Et surtout, il faut réussir à trouver des nouvelles façons de renouveler le gameplay, parce que aujourd'hui, c'est trop simple de... On a notre personnage, deux persos de soutien. Un personnage, deux persos de soutien. Peut-être que la licence n'avait pas tant besoin que ça aussi. Moi, je pense qu'elle n'en avait pas besoin. Parce que ça marchait très bien. À l'inverse, tu prends un exemple de Seven Deadly Sins, par exemple, qui est une licence beaucoup moins porteuse que Demon Slayer. Par contre, ils se sont appliqués à faire un jeu mobile du tonnerre en plus gratuit, et ça a un petit peu relancé le truc. Fonctionné. Oui, et d'ailleurs, il y a un autre jeu Seven Deadly Sins inspiré du moteur graphique de Genshin Impact, avec un monde ouvert qui va vraiment... Qui a l'air plus correct, qui a l'air fun. Qui a l'air très très cool. Les gens sont extrêmement hypés de le voir. Ouais. Mais moi, le premier, hein, je vais y jouer. Dragon Ball, t'as eu 550 jeux. Par contre, dès qu'ils ont fait celui-là, le Dragon Ball Fighters, on dit non, là, on va sortir le très, très, très, très lourd. Mm. Et ils ont fait un jeu, un vrai versus pour tournoi qui va durer. Bah, on n'a même pas eu de deuxième opus, hein, qui est encore pratiqué. Donc, la scène française est. D'ailleurs, pour précision, l'Android 21 sera bientôt disponible sur Dragon Ball FighterZ en version scientifique. Additionnel, voilà, avec le... Tu joues un peu ? Oui, bien sûr. Ah, ben on s'affrontera alors. Pas de problème. Attention. Apportez-nous une PS4. C'est la fin de cette émission. Ringo, Clémence Dino, Vitel, Bruno Delacroze et Mathieu Pinon. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Ce blockbuster a été réalisé par Elle est de retour. Céline Hila. Acclamation, foule en liesse, on va dire. Il a été préparé par moi-même et aujourd'hui à la technique. Et on l'applaudit aussi. Oh, foule en liesse, Alix Barrois. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Et vous savez avec qui vous allez parler sur Twitter? Avec Bibi. A bientôt. Kibutsu Jimusan, tu vas pas t'en tirer comme ça. Je te retrouverai partout où tu iras. Jamais plus tu seras en sécurité. J'irai jusqu'en enfer pour te tuer. Je te jure, tu paieras pour tout ce que tu as fait. Je te trancherai dans un coup de monstre. Allez, circulez, plus vite que ça. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.